là, je pense. Effectivement, on a un petit souci de micro ce matin, mais voilà. On va y arriver. Mais c'est parce bon que réveil, même La Réunion. Le micro, il est tout zen. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Mais on va maintenant remettre un peu de pêche et de bonne humeur. Ça y est. Entre 5h et 8h. Merci Sonia. Il est 5h sur la première. Bon réveil, c'est grand matin. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Une histoire de gros sous, voilà comment Thierry Robert qualifie ce qui se passe en ce moment autour de la carrière de Bois Blanc. Le maire de Saint-Leu est en colère. Faut arrêter de dire que Thierry Robert empêche de faire la carrière de Bois Blanc, parce qu'en clair, la carrière de Bois Blanc n'est plus utile. Inutile, parce qu'il y aurait déjà assez de roches pour la nouvelle route du littoral. Inutile, mais surtout trop cher, le bureau de poste de Bois de Neuf, la Saint-Denis, va fermer ses portes définitivement. Les opérations les plus courantes devraient bientôt être confiées à un commerçant du coin. Un appel à candidature a été lancé. Et puis en sport, c'est une page qui se tourne pour le rugby réunionnais. Armand Coupou vient de perdre son fauteuil de président du comité. Son successeur, Daniel Blondy, élu avec 55 voix contre 22 et qui promet une nouvelle méthode de travail. Réaction à la fin de cette édition. L'enjeu serait donc purement économique. Thierry Robert, député maire de Saint-Leu et chef de file du LPA, a remis en cause hier l'intérêt public du projet de carrière à Bois Blanc. Selon lui, il s'agit avant tout d'une guerre de multinationales, puisqu'il y aurait déjà assez de roches pour le chantier de la nouvelle route du littoral. Concrètement, la SCPR et le groupe Colas continueraient de faire le forcing pour garder le marché et écarter un concurrent NGE qui exploite déjà les deux carrières de Saint-André. Thierry Robert, lui, ne décolère pas. Il y a d'un côté la société NGE qui veut s'implanter à La Réunion et qui détient les carrières, les deux carrières de Saint-André, et de l'autre la SCPR qui est une filiale de Colas qui eux-mêmes ont le marché de la nouvelle route du littoral, et Colas veut absolument pas donner un bon de commande à NGE, qui est son concurrent, mais veut donner un bon de commande à la SCPR pour que tout reste concentré dans le groupe Colas et en quelque sorte exclure NGE. Il suffit qu'aujourd'hui Colas signe un bon de commande à NGE pour qu'il n'y ait plus de problème de galets. Donc il faut arrêter de dire que Thierry Robert empêche de faire la carrière de Bois Blanc, parce qu'en clair, la carrière de Bois Blanc n'est plus utile. Thierry Robert, député maire de Saint-Leu et président du LPA, interrogé par Pierre Comorassami. Politique, toujours avec la future loi sur l'égalité réelle outre-mer. Elle était en discussion avant-hier à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas encore le vote du texte, mais l'audition de la ministre des Outre-mer, Erika Barrage, et du rapporteur de la loi, Victorin Lurel. Finalement, les députés se sont montrés plutôt critiques. Selon eux, le texte n'est pas assez complet. Critique également du PCR. Le Parti communiste estime que le projet n'est que la poursuite d'une politique menée depuis la départementalisation en 1946, alors qu'il faudrait passer à autre chose. Les précisions d'Yvan Dejean, co-secrétaire général du PCR. Cette politique d'intégration qui est menée depuis ces 7 dernières décennies, elle n'est pas faite pour sortir La Réunion de la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve. Il nous faut des moyens politiques nouveaux qui nous permettent d'avoir la responsabilité, une responsabilité réunionnaise, qui nous permettent de nous insérer dans notre bassin de vie naturel, dans notre zone océan Indien. Et pour nous, ça passe notamment par une assemblée unique, dotée de pouvoirs réglementaires et législatifs. Yvan Dejean, co-secrétaire général du PCR, au micro Réunion Première de Gaël Le Dantec. Le sénateur maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, a choisi son candidat pour les primaires de la droite et du centre de novembre prochain. Ce sera Nicolas Sarkozy. Il l'a annoncé hier soir face à ses militants en expliquant son choix. Selon lui, Nicolas Sarkozy est l'homme de la situation. On en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Béatrice Sigismo, la secrétaire départementale du parti Les Républicains. Jean-Hugues Gratton, lui, interpelle les décideurs politiques sur la loi Territoire zéro chômage longue durée. Une loi parue au journal officiel le 1er mars dernier, déjà expérimentée dans l'Hexagone. Mais rien, pour l'instant, à La Réunion. Aucun dossier n'a été déposé. La loi autorise pourtant l'embauche de 200 à 250 chômeurs réunionnais. Pour Jean-Hugues Gratton, La Réunion ne doit pas rater le coche. Les élus doivent agir. Direction Saint-Denis, dans le quartier de Bois-de-Nèfle. Là-bas, le bureau de poste va prochainement fermer ses portes définitivement. Comme beaucoup d'établissements de campagne dans l'Hexagone, il coûte trop cher à la poste. Elle va donc proposer une alternative. Les opérations de courrier les plus courantes seront confiées à un commerçant du coin. Un appel à candidature a été lancé. Les habitants du quartier, eux, semblent validés, surtout que ce bureau de poste connaissait quelques difficultés. Soit c'est ouvert, soit c'est fermé, mais pas les gens montent, veulent retirer un courrier, ils peuvent pas, il faut redescendre au Moufia, ou sinon ben, au Moufia il y a trop de monde, on peut pas se garer. C'est très compliqué, soit c'est ouvert, soit c'est fermé, mais il faut que les choses se clarifient, parce que ça fait déjà plus d'un an ça fonctionne comme ça. Pour moi c'est comme si qu'elle était pas là, quoi, comme si qu'elle n'existait plus. Quand je fais mes courses, ben, je passe à la poste, j'organise autrement, je m'organise autrement. Mais il y a toujours un papier, et après il y a toujours un papier. Ça nous embête beaucoup, parce que ici qu'on va attendre notre tour. C'est plus facile de gagner en bas. Il faut qu'on attende notre tour dans une heure de temps, deux heures de temps après. Ouais. Et les commerces à Bois-de-Nèfle qui récupéreraient les activités courrier? Ah oui, ça serait bien, oui. Oui, ça serait bien d'avoir ça, oui. Parce que là, c'est pas évident. Hein. Parce qu'ils ont des heures. Après, c'est fini, quoi. J'espère que ça va marcher. Mais même les commerçants ici, ça marche pas du tout. Ça ferme tout le temps. Ça ouvre, ça ferme. C'est jamais le même, quoi. Des réactions recueillies par Bruce Régent. Blocage terminé autour des usines du Gol et de Bois-Rouge. La campagne sucrière peut reprendre normalement. Selon la presse écrite de ce matin, les planteurs de la CGPER ont obtenu gain de cause tard hier soir. Ils réclamaient le versement immédiat des aides de l'État. L'État qui aurait confirmé le déblocage d'une enveloppe d'€1,7 million. 5h06 sur la première. La suite du journal, Florent Marot. Hier, c'était la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Le thème de cette 23e édition était être proche et en activité professionnelle. Ceux qui accompagnent les malades travaillent souvent à côté, ils s'épuisent rapidement et cela n'est pas sans conséquence sur le quotidien. Nadine Bachelot a rencontré Roselyne Maillot. Sa mère est atteinte de la maladie depuis 2000. Marie-Ange, 86 ans, est aujourd'hui prise en charge, mais c'est d'abord Roselyne qui s'est occupée d'elle. La vie de famille s'organise autour du malade et même professionnellement. Et je suis dans le bien-être en fait, donc je ne me voyais pas être dans le bien-être, apporter du bien aux autres, alors que maman, elle était souffrante elle-même. Donc j'étais vraiment pas en harmonie avec moi-même. Alors donc du coup, quand j'ai pris ma décision, eh bien j'ai averti ma responsable qui elle a joué le jeu également pour venir me livrer les produits chez ma maman. Je suis conseillère en bien-être et donc quand j'ai dit à mes hôtesses que ben voilà, je vais accompagner ma maman dans la maladie Alzheimer. C'était un formidable élan d'amour. Je me suis sentie vraiment aidée et elles ont joué le jeu. Donc j'organisais ma vie familiale, ma vie professionnelle. Ma chérie, je viens. Non, là-bas. Maman me reconnaît. Elle reconnaît encore ses enfants. J'ai envie de continuer de l'aider au maximum, d'être près d'elle. Roselyne Maillot, ancienne aidante au micro Réunion Première de Nadine Bachelot. On passe au sport avec du changement dans le petit monde du rugby réunionnais. Armand Coupou, jusque-là président du comité régional, a été battu lors des dernières élections. Son successeur s'appelle Daniel Blondy, ancien vice-président du comité. Il a obtenu 55 voix contre 22 pour Armand Coupou. Daniel Blondy qui affirme vouloir mettre en place une nouvelle méthode de travail pour n'oublier personne. Faire cohabiter le rugby à 5, le rugby à 15 et le rugby à 7, ça c'est une de nos priorités. On a besoin encore de développer au niveau des jeunes et puis surtout on a besoin de sécuriser nos clubs. On a nos clubs qui sont, on a fait une tournée, on s'aperçoit que nos clubs sont un peu en faillite financière et puis dans l'organisation, on a des clubs qui sont fragiles et là on sera très près d'eux. Donc je leur ai promis de venir les rencontrer souvent. Dès le mois prochain, nous allons refaire une tournée des clubs, notamment ceux qui ont besoin de nous. Ils nous ont tiré la sonnette d'alarme et on doit répondre à cet appel. On est en train de travailler sur une compétition féminine océan Indien. On est peut-être aussi dans un championnat qui irait au-delà de notre île. Donc voilà, on a des pistes, on a des idées. On est en train de travailler dessus. Au début 2017, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Daniel Blondy, nouveau président du comité régional de rugby, interrogé par Johnny Lérivin et Rodolfo Ozanne. C'est la fin de ce journal local, place maintenant à l'actualité nationale et internationale. Ce matin, Anne-Charlotte Costabadi de France Info. Une commande record de Rafale après 9 ans de rebondissement. L'Inde a donné son accord et en achète 36 pour 7 milliards d'euros. C'est la plus grosse commande d'avions de combat français pour l'export. Des avions qui seront produits par Dassault. En France, première livraison d'ici 3 ans. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, part signer le contrat en Inde demain. Autre bonne nouvelle pour le secteur aéronautique et un nouveau pas vers l'ouverture de l'Iran. Les États-Unis ont donné leur accord. Airbus et Boeing pourront vendre des avions neufs à Téhéran. notamment. Les avionneurs européens et américains avaient déjà des accords de plusieurs milliards d'euros avec le pays, mais devaient obtenir une licence spéciale de l'Office pour le contrôle des avoirs étrangers, qui dépend du Trésor américain. Ça y est, c'est fait. Fin janvier, l'Iran et l'Européen Airbus, dont le siège est près de Toulouse, avaient signé déjà un protocole d'accord pour 118 appareils, montant de 10 à 11 milliards d'euros. Une nouvelle réunion pour tenter de sauver le processus diplomatique sur la guerre en Syrie. Une vingtaine de pays et d'organisations membres du groupe international de soutien à la Syrie vont se rassembler aujourd'hui en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et après l'éclatement du cessez-le-feu lundi entre les États-Unis, la Russie et le régime syrien, les bombardements ont repris de plus belle. À Alep, au moins 12 civils, dont 2 enfants, sont morts hier dans des bombardements, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et toujours selon cet organisme, près de 300 000 personnes sont mortes en Syrie depuis le début du conflit, il y a maintenant 5 ans et demi. Et à l'Assemblée générale de l'ONU, on parle de la Syrie, mais aussi de la lutte contre le réchauffement climatique. L'accord de Paris sur le climat, signé en décembre dernier, pourrait entrer en vigueur dès cette année. 31 pays ont ratifié le texte. L'ambition est d'éviter un réchauffement supérieur à 2 degrés. On se rapproche donc de l'objectif de mise en application, avec 55 pays qui devraient signer pour un total de 55% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour l'instant, nous en sommes à 48%. Bernadette Chirac serait épuisée après l'hospitalisation de son mari Jacques Chirac ce week-end pour une infection pulmonaire. Elle a à son tour été hospitalisée à Paris, selon ses proches. La femme donc de Jacques Chirac, âgée de 83 ans, aurait, je cite, besoin de souffler un peu. Et face aux rumeurs de décès de l'ancien président, la famille Chirac appelle au respect de leur tranquillité. Dans l'affaire de la fausse alerte attentat de l'église Saint-Leu dans le centre de Paris ce week-end, le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour appel téléphonique malveillant, non dénonciation de crime imaginaire. Cela concerne 2 adolescents. Dylan, 16 ans, arrêté lundi dans la Marne, qui avait reconnu être l'un des auteurs des faits. Et également l'adolescent de 14 ans, arrêté en Lozère. Et les deux seront placés en foyer éducatif. 8 matchs de ce mercredi soir pour la 6e journée de Ligue 1 de football. Et puis Nice reprend la tête du classement après sa victoire contre Monaco 4-0. Il est 5h12 sur la première. Mickaël, hier soir, eh bien, de la pluie. Ce matin aussi, des averses. Dans de l'est au sud sauvage. En tout cas, cette fin de nuit, c'est vrai qu'on essuie les averses avec des petites rafales de vent qui vous rafraîchissent bien quand vous sortez. Ça, je peux vous le confirmer. Donc, ça saisit. Mettez un coupe-vent, hein, un petit paletot là, ce matin, parce qu'on en aura vraiment besoin. Au volcan, jusqu'à Sainte-Rose, la forêt de Takamaka, même si vous y serez pas nombreux, c'est clair. Et puis sur le nord-est, entre Saint-Denis et Saint-Benoît, c'est assez nuageux ce matin, avec de la fraîcheur et des averses. Température minimale qui reste quand même au-dessus des normales de saison. 19 à 20 degrés sur le littoral, donc c'est légèrement au-dessus. On va repasser donc sur des températures plus confortables, même si on ne le ressent pas avec ce petit vent, là, notamment sur le nord-est. Et puis 11 degrés sur le volcan et de 10 à 12 dans les cirques. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la fin de l'hiver, les amis. C'est pas vrai! Ça devrait être le début de l'intersaison, mais je le sens toujours pas, l'intersaison. Ouais, moi, je me sens plus intersaison, mais je connais pas trop quoi ça, il donne comme temps, mais alors l'hiver, il sent bien, par oui, contre. Oui, hein. Ça, il est bien présent, et plus qu'habituellement dans la durée, c'est ce que nous dit Météo France. Ouais. Alors, l'intersaison, c'est l'alternance de périodes d'été et de périodes d'hiver. En d'accord, gros, donc c'était exactement ça, en fait. Voilà, et là, on est vraiment dans une période d'hiver. Oui, hein. Ça, on la sent bien passer, même si les températures devraient remonter doucement, je vous l'ai dit. Mais quand... Normalement, c'était prévu à partir d'hier. C'est ça. On l'a pas vraiment ressenti, même non. Si c'est vrai que hier quand on s'est levé, il faisait un petit peu plus doux. Mais enfin, c'est pas non plus très net, hein, ouais, pour le moment. Ce matin, c'est un pas petit peu plus sec, hein, quand même. Hein, du coup, voilà, il fait frais, on a du mal à se réveiller. Ouais, c'est alors, dur. On va se donner une mission encore plus difficile à accomplir. Aïe, aïe, aïe, ce matin. Oui. Avant 7h. Oui. C'est un artiste qui est très connu à La Réunion. Ah, qui sort son album demain. Et c'est son premier en plus. En plus. Il cartonne avec Mon Étoile. Complètement, avec la petite Anouchka. La petite Anouchka, on l'a connu avec Aléaou. Oui. Notamment Pixel. Bah, c'est Pixel. Sera avec nous, enfin, on espère. C'est notre, un défi. Notre mission, c'est notre défi du matin, c'est réveiller. Puis c'est réveiller. Et tu sais ce réveiller qu'on va faire artiste, c'est que si nous gagnons pas Réveil Ali avant 7h, on poussera jusqu'à avant 8h. Ouais, on va tout faire. On va tout faire. Le truc, c'est qu'il n'est pas trop du matin, voire pas du tout. Donc il a mis 15 réveils autour de lui. Ça ne nous fait pas peur. Je pense que ses parents, ses amis vont venir le réveiller. Il va y avoir un truc qui va se passer dans le grand matin. Donc restez là, à 6h50, Pixel va se réveiller avec nous. En tout cas, on croise les doigts ce matin. Et puis vous pouvez vous réveiller en cadeau. Parce qu'on a plein de cadeaux à vous offrir ce matin. Des invitations pour aller à ce concert. Enfants Zillois, petit stade de l'Est. Avant 6h. Ah bah oui, c'est sûr. Et puis après, on a aussi de l'argent à vous donner, comme ça, 20€ de bon d'achat. Tout. Votre croisière, vos places de cinéma, tout ça, c'est dans le grand matin. Comme d'habitude, on essaie de vous faire plaisir. Mm-hmm. On ira à la rencontre de tous les Réunionnais. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, de ceux qui vont faire le marché le matin. Ouais. Prisca sera avec nous. Elle est là déjà. Coucou Prisca. Hello. Coucou les amis, comment ça va? Ça va bien, oui. Et la bonne nouvelle, c'est que le réveil, il a sonné. Ah oui, pour vous, ça va alors. Bon. Bah oui, bah c'est ça pas évident. Bien. C'est jeudi, mais notre mission aujourd'hui, c'est de garder les yeux ouverts jusqu'à ce soir. Vous avez une mission. Donc rendez-vous tout à l'heure au marché Forain. De Brapanon. Vous ne savez pas pourquoi vous rigolez. Vous n'étiez pas sûr en fait, Brapanon. Parce que ta mission, c'est de garder les yeux ouverts. Ouais, mais les nous yeux aussi, bah ma chérie. La mission, c'est de garder les yeux ouverts. Demain, c'est vendredi. Toute la réunion a cette mission-là, mais c'est ça. Vous n'étiez pas trop sûr d'où vous alliez. Vous êtes sûr maintenant, hein? Oui. C'est Brapanon, hein? Oui, non, mais vous m'avez troublé en fait. Ah oui, je sais. Je suis vraiment désolé, ma chère Prisca. Ça, c'est Mickaël, il aime bien troubler toutes les femmes. Enfin, j'essaye, c'est pas si facile. Oui, essaye. C'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Prisca, maintenant, on va s'arrêter là parce que je sens que vous allez être désagréable. Bon. Son charme a cessé d'agir. Bisous, Prisca, à tout à l'heure. 6h moins le quart. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Philin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 22 septembre. Exactement. Et à ce moment-là, à 5h17, on accueille... Il y a quelqu'un que tu aimes bien qui est là. Celle dont je ne prononcerai pas le nom. C'est vrai? Non. Pourquoi? Il vole de mort ou quoi? Non, tu crois qu'on est dans Harry Potter ou quoi? Pas du tout, mais... Moi, je dis, moi. Bonjour, Juliette. Bonjour. Bonjour, Juliette. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous nous avez choisis? Encore merci. Nous sommes jeudi et aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre et nous fêtons les Maurice. Excellente fête, messieurs. Bon, on écoute les prévisions astrales de la première, si vous êtes d'accord? On y va tout de suite. Bélier, vous croyez en vous et vous mettez enfin de côté votre timidité. Taureau, tout ce qui ressemblera à une possibilité d'association devra faire l'objet d'un examen très minutieux et sérieux de votre part. Gémeaux, votre vie sentimentale va être très ensoleillée en cette journée. Cancer, vous allez abattre des montagnes ou les déplacer, mais vous n'en tirez profit que beaucoup plus tard. Lion, laissez-vous porter par les événements. Vierge, vous pourriez croiser l'âme sœur très prochainement. Balance, un voyage ou un déménagement se profile à l'horizon et ce n'est pas pour vous déplaire. Scorpion, une rencontre pourrait réveiller de vieux démons qui vous ont joué des tours dans votre vie émotionnelle. Sagittaire, personne ne vous résiste en cette journée. Capricorne, vous y allez doucement et vous avez raison. Vous peaufinez les détails. Verseau, on ne pourra pas vous dire non. Vous êtes convaincant. Poisson, enfin, si vous avez décidé de faire équipe, choisissez bien cette équipe avant de vous lancer. Belle journée à tous et à toutes. Bon, bah du coup, j'ai pas noté ce qu'ils ont dit pour Lyon. Elle dit tout va bien. Ah, tout va bien. Bon, oui, c'est bon, tout va bien, votre charme va continuer d'agir. Et pour toi, Isa, c'est quoi? Tout va bien. Tout va bien. Votre charme agit toujours. Ok. Voilà. Ah bah on est nickel ça, là, avec ça. L'air. C'est nickel. L'air. Oui, alors je ne prononce pas le nom de Juliette. On me demande par SMS parce qu'on a une petite histoire entre nous. Et... En fait, non. Enfin, qui n'a jamais démarré. Quoi. En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'histoire voilà. Et c'est bien dommage pour lui. Quoi. Et je suis un peu déçu. Bon, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. Je lui dirai bonjour demain. Tiercé, quarté, quinté plus. On y va. On va d'abord sur l'hippodrome de... Bah, alors, je ne vois pas. On était regarde. Où hier? Tiens, je mets. On était à la croisée de la roche. Ça c'est même, ça okay. Exactement. Et pour gagner, eh bien, il fallait jouer le 9, le 13, le 6, le 12 et le 7. 9, 13, 6, 12, 7, numéro plus gagnant, le 05, 13. Cet après-midi, eh bien, un quintet, ce sera à Vincennes, le prix de Meun sur Yèvre. Il y aura 18 partants, 2100 mètres à parcourir, 5 550 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du Fouineur, du GIR, partenaire Réunion Première, qui vous conseille le 4, le 11, le 2, le 13, le 16, le 10, le 3 et le 6, 4, 11, 2, 13, 16, 10, 3 et 6. Donc pour votre quintet cet après-midi à Vincennes, départ 15h47, 5 550 000 euros dans la tirelire, 18 partants, 2100 mètres à parcourir. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons, jouons responsable. Et bonne chance à tous. Et dans un instant, on va parler de Brady et d'Angie. Le couple Brad Angelina Jolie, on a dit hier qu'ils avaient divorcé. Bon, bah, oui. Du coup, on va voir comment ça se passe, les divorces à travers le monde. Ah, bah, vous allez l'entendre, c'est pas triste, hein. Ah, ouais, c'est pas simple. Ah, c'est aussi, pas hein. Triste non plus. C'est hein. Pas simple. Bon, là, ouais. Tout de suite après, Emily va. C'est pas parce que c'est l'île est là, qu'on fait en mieux, ça ne t'effraie pas, qu'il faut croire que on sera plus heureux. Et même quand je te sortira, nous demande bien où ça vous pourra aller. Sans qu'on imagine. Lina, moi, Nora. Ouais. C'est les chansons à trous. Mais non, après, il faut savoir, Lina, moi, Nora. Il faut savoir en fait ce qu'il y a après. Pourquoi, il y a quoi, il y a enfin, qu'est-ce ça, qu'elle a, qu'est-ce sais, qu'elle a pas. Voilà, tant c'est que ça. Lina, moi, Nora, mais ça, c'est jusqu'à y divorce. C'est ça. Émilie, va. Bah oui, ma chérie. Le divorce, en ce moment, ouais. Eh bien, on en parle forcément avec le divorce de ce couple star, le power couple. C'est ça. Le power couple Brady et Angie. Hein, ah. Brad Pitt et Angelina Jolie. On en a parlé hier, forcément, déjà dans la matinale, on ne pouvait pas passer à côté de ça. En ce moment, ils sont en train de se disputer la garde des enfants. C'est un petit peu le bordel. Hein, comme Brady. Dans tous les divorces. Brady qui se dit attristé. Pour l'instant, on n'a pas plus de déclaration d'Angie. Sauf que, dans 3 cas sur 4, comme on l'a vu, avec Angie, c'est la femme qui est à l'origine du divorce. Hein. Franchement, c'est impressionnant ça quand même. Ah bah c'est comme vous ça nous cassez vous notre petit cœur. Hein. Alors quelles sont les raisons qui poussent au divorce finalement, Isa? Eh bien chaque jour en France, il y a 300 couples qui divorcent. Donc déjà rien que ça. Et il y a effectivement un petit top comme ça, des raisons qui poussent les couples à dire stop, ça y est, c'est terminé, toi et moi, it's finished. L'infidélité arrive en number one, ça représente un tiers des demandes de divorce. Après, on suit derrière l'égoïsme du partenaire. Il n'y a pas de soutien, manque d'affection, tout ça, on ne sent pas l'amour, tout ça. Ça arrive en deux. Et puis en trois, le mauvais caractère à l'origine de près de 15% des demandes de divorce. Dans le bas de classement, on peut retrouver par exemple les beaux-parents. Et oui, à cause de beau-papa, belle-maman, 10% des couples demandent le divorce. Ouais. Quand même, faites gaffe hein. Alors là, c'est vrai, belle-mère et beau-père, on les choisit pas, mais malheureusement, des fois... Faut vivre avec ou pas. Bah oui, c'est ça, hein. Après vous choisissez ou pas, c'est-à-dire de vivre avec. Et dans certains pays, comme la Chine, faire tenir un mariage, coûte que coûte, empêcher le divorce est un secteur florissant pour de nombreuses entreprises. Exactement, il y a des entreprises qui sont parties d'un constat simple, c'est que le taux de divorce a progressé de près de 70%, donc, il y a un marché à prendre. Et on voit fleurir tout en business. Chine. Eh ben oui. C'est impressionnant. Eh bien, on voit fleurir un nouveau métier, éloigneuse de maîtresse. Alors, une bonne éloigneuse de maîtresse est forcément diplômée en psychologie, en sociologie ou en droit. C'est une sorte de Sherlock Holmes du cœur. Et son boulot. Manipulatrice. Alors, son boulot, c'est quoi? Tu es une femme mariée, ton mari a une maîtresse. Tu appelles l'éloigneuse, donc, de maîtresse. Elle vient, elle fait copain-copine avec la maîtresse, d'accord? Alors elle lui file des cadeaux, elle aime bien, l'invite au resto, tout ça. Et en fait, elle lui explique que « Ah, tu as une aventure avec tel monsieur, tu sais, c'est pas bien, tel monsieur, elle est mariée, fais pas ça, c'est pas bien. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans quasi tous les cas, la maîtresse finit par comprendre que... Oui, ça marche. Ça fout pas un peu plus le bazar, du genre la maîtresse va voir la femme en question et puis Le but étant de bien faire comprendre à la maîtresse qu'il n'y a rien à attendre, que le monsieur en question est marié. Et attention, la maîtresse très très mal vue en Chine. Très mal vue. Ah oui, tu comprends? J'imagine, donc, du coup, les pays asiatiques, ils ça ont finit par une loyauté assez importante. Voilà, donc voilà. Alors, on va quitter la Chine, direction l'Angleterre. Là-bas, il n'y a pas de notion de consentement mutuel pour divorcer. On n'est pas obligé d'être tous les deux d'accord. Voilà, c'est-à-dire que souvent, en France, il suffit qu'on est d'accord, on arrive à un constat simple, toi et moi, ça ne marche plus, on divorce. Bon, ça ne marche pas en Angleterre, donc il faut justifier, il faut avoir une raison pour divorcer. Sauf que des fois, c'est juste, on ne s'entend plus. Mais il faut quand même, il y a une case, pourquoi ça t'y divorce? Donc du coup, comme il faut trouver une raison, on trouve des trucs complètement hallucinants. Il y en a qui ils mettent un peu tout et n'importe quoi comme motif de divorce. Ça passe. Alors, hein. C'est quoi? Par exemple, on a pu trouver récalcitrance en cuisine. C'est-à-dire quelqu'un qui a pas envie de cuisiner manger à soir, ça suffit. Retard répétitif, ça suffit pour divorcer. Ou alors, utilisation intempestive de la télécommande. Il y a autre chose. Odeur corporelle intenable. Je peux comprendre, mais dès le départ, on doit le sentir normalement. À plusieurs années, apparemment. Alors, on en Angleterre, un peu, évidemment, à la presse People, tout ça. Et on médiatise beaucoup certains divorces quand ça part un petit peu les feux de l'amour, quoi. Je vais vous montrer par exemple cette histoire de Jason. Jason et Lisa. Ils se marient, tout va bien. Et puis 3 ans après, madame demande le divorce. Pourquoi faire? À peine divorcée, elle va s'installer avec le père de Jason. Non. Si. Ah, ça, c'est. Si. Ouais. Désespérant. Ça doit faire mal. Ah oui, mais j'imagine. La une de la presse. J'imagine. Enfin, j'aimerais pas que ça fasse la une, moi, perso, si ça m'arrivait. Oui, je sais, mais c'est comme ça. À savoir que les divorces, ça coûte cher. Hein. L'avocate d'Angelina Jolie, c'est 350 euros par heure. Elle a de l'argent, donc c'est rien pour elle. C'est l'avocat à son niveau, quoi. C'est ça. C'est sûr. C'est pas notre avocat. Enfin, on en a pas déjà, donc comme ça, c'est réglé. On n'est pas mariés non plus. Nous ne sommes pas mariés, non. On confirme quand même. Hein. C'est mieux de confirmer, on ne sait jamais. Kenji Girac avec Sandrissa sur Première. Bon réveil à tous, la Réunion. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol, mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. cattiva, al mondo le dà sto sapore. Di questa mi son divisa, e se lo me lo regalò. E si che noce dia, e la sombra mi llega al sol. Di questa mi son divisa, a chi te lo regalo io. Comparto una sonrisa, mi va al mondo le dà sto sapore. Son divisa la vida. Mis ojos son mi ventana, mi corazón abierto, mi voz que te llama amigo mío. Los hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparte una sonrisa, con el viento, mi voz que te llama. Amigo, apúrate con tu sonrisa y tu fe. Abre tus ojos oscuros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Kenji Girac. Oui, OT. Avec Sonrisa sur, sur Première. Et il sera bientôt en concert à l'Arena. Ah oui, ça bah c'est oui, pour ton c'est plus grand plaisir, hein, Isa. Plus grand plaisir de Cécile aussi ou pas? Oula, ou moins, bof, hein. Mais... Ouais, okay. Bon. Mais je pense que pour Isabelle... Ouais. Hein. Elle aime bien les hommes barbus. 5h30. On en repart plus tard. Hein, qu'est-ce que c'est? Et 5h30 sur la Première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. La campagne de la primaire à droite s'organise à La Réunion. C'est le chef du parti Les Républicains, Michel Fontaine, qui en est chargé. Le sénateur maire de Saint-Pierre, qui soutient Nicolas Sarkozy, vous l'entendrez. 200 à 250 emplois en contrat à durée indéterminée non créé. Une opportunité pas saisie. Jean-Hugues Gratton interpelle le sous-préfet de Saint-Pierre. Pourquoi la loi territoire zéro chômage de longue durée n'est pas utilisée dans notre île? Précision dans ce journal. Un témoignage également dans cette édition, celui de Roselyne qui prend soin de sa maman Marie-Ange. Marie-Ange atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et puis à Mayotte, on adopte la fraîche attitude. Journée de présentation hier pour changer quelques mauvaises habitudes dans la cuisine mahoraise. Mais avant de développer ces titres, les planteurs ont levé leur barrage devant les usines sucrières. Cette nuit, la campagne sucrière va pouvoir reprendre après 3 jours d'interruption. Les manifestants de la CGPER ont obtenu gain de cause. La situation aurait été débloquée à l'issue d'une réunion interministérielle à Paris. La nouvelle est donc tombée très tard. Après 22 heures, 1,7 million d'euros seront bien versés aux agriculteurs pays prochainement. Les modalités du paiement restent à fixer. La politique avec la primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle de 2017. La haute autorité a validé 7 candidatures hier, parmi lesquelles celle de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Et c'est l'ancien chef de l'État que Michel Fontaine a décidé de soutenir. Le sénateur maire de Saint-Pierre l'a officialisé face à ses militants. Hier soir, il en a même, en même temps, lancé l'ouverture de la campagne localement. Le vote aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. Pour le patron local du parti Les Républicains, cette élection devait n'être qu'une compétition familiale. Elle ne doit être qu'une compétition familiale. Au final, l'union sera nécessaire. On l'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, l'identité commune de la France, la base même, le socle même, c'est la République française. Et il y a 2 choses importantes aujourd'hui pour les Français. C'est la sécurité et c'est la solidarité. Et aujourd'hui, est-ce que la principale solidarité n'est pas aussi d'assurer la sécurité des Français? Ça, c'est la première chose. Il y a après la vision de l'outre-mer, le discours de Nicolas Sarkozy sur l'outre-mer qu'il a prononcé en juillet à Paris où j'étais présent, a été pour moi extrêmement marquant et m'a décidé dans mon engagement. Son discours a été de dire que tout ce qu'il y a à l'outre-mer qui est comme richesse, tout ce qu'il y a de diversité à l'outre-mer est intégré véritablement dans la République française. Michel Fontaine, le président des Républicains, répondait à Pierre Comoras-Samy. Politique toujours avec Résistance Égalité 974 qui interpelle le sous-préfet de Saint-Pierre. Pour Jean-Hugues Gratenon, il y aurait des emplois à créer avec la loi territoire zéro chômage longue durée. Cette loi parue au journal officiel le 1er mars dernier est expérimentée dans 10 territoires volontaires. Il s'agit d'une expérimentation pour résorber le chômage de longue durée. Elle s'appuie sur des appels à projets. Pour l'instant, le texte n'est pas vraiment utilisé. Résistance Égalité 974 estime que 200 à 250 contrats à durée indéterminée pourraient être signés à La Réunion dans l'économie solidaire. Jean-Hugues Gratenon s'étonne que les élus ne se soient pas saisis de cette opportunité. À l'heure d'aujourd'hui, à notre connaissance, aucun projet n'a été déposé sur le territoire de La Réunion, et notamment concernant le Sud, puisqu'il a plus parlé spécifiquement du Sud. Et pourtant, ce n'est pas des exemples de projets qu'on peut monter qui montent. On a cité la plaine des Palmiers autour du Goyavier, Saint-Philippe autour du Vacquois, Sillaos autour de la Broderie et les Raisins, à Salazie autour des cours d'eau douce, la richesse des cours d'eau douce, mais aussi les tresses de chouchou, la filière bambou. Il y a tellement d'exemples de filières qu'on peut développer à La Réunion. Et le discours de la plupart des élus, c'est la priorité des grandes priorités, c'est le chômage. Et là, vous avez la possibilité de donner des CDI à 250 personnes. C'est le silence complet. Rien n'est fait. C'est inquiétant pour l'avenir de notre pays. Jean-Hugues Gratenon de Résistance Égalité 974 avec Pierre Comorassami. Retour ce matin sur la maladie d'Alzheimer. C'était hier la journée mondiale, mais plusieurs rendez-vous sont encore prévus, notamment le week-end prochain, pour parler de la maladie. A été mis en avant les proches qui consacrent une grande partie de leur temps et de leur énergie auprès d'un proche ou d'un parent malade. Un investissement qui les épuise, surtout s'ils mènent en parallèle une activité professionnelle. Nadine Bachelot a rencontré Roselyne Maillot. Elle s'occupe de sa mère, Marie-Ange, touchée par la maladie. Marie-Ange a 86 ans et depuis 2000, elle a la mémoire qui faiblit et la vie qui s'efface. Mais la maladie gagne du terrain, ce qui a nécessité son placement en institution depuis 2 ans. Pour sa fille Roselyne, il est hors de question d'abandonner sa mère. Elle a même tout sacrifié un moment pour aller vivre chez l'octogénaire. C'était pas simple parce que j'ai dû abandonner mon couple, ma famille, donc mes petits-enfants, pour être avec elle pendant un an. Mais c'est vrai que ça m'a apporté tellement de belles choses, beaucoup de prise de conscience de ce que c'est vraiment qu'une maman. Donc du coup, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Mais c'était vraiment, j'avoue, difficile. Il a fallu beaucoup de courage à Roselyne pour affronter la maladie de sa mère et elle en parle sans tabou. Ça a été une terrible souffrance pour moi. J'avais beaucoup de mal à accepter parce qu'on avait encore beaucoup de choses à partager avec maman, ça fait mal. Quand on comprend, on réagit et on reprend le dessus parce qu'on sait qu'on doit lui apporter encore des choses jusqu'au moment où elle va s'éteindre et essayer de lui donner tout ce qu'elle mérite, c'est-à-dire l'entourer jusqu'à la fin de ses jours. Discuter avec Marie-Ange est devenu difficile, c'est une relation plus dans l'émotion. Et pour Roselyne, c'est un bonheur incommensurable. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir peur de la maladie. J'ai très peur. Sitôt que j'oublie quelque chose, je me dis « Ah mon Dieu, je ne veux pas créer cette psychose ». Donc du coup, je fais un travail sur moi-même. J'essaie d'entretenir mon cerveau, ma mémoire, pour éviter de repenter cette maladie. Ma chérie, je viens maman, je viens. Roselyne qui s'occupe de sa maman atteinte d'Alzheimer. Avis aux lycéens qui veulent poursuivre leurs études en Allemagne. 3 lycées de l'académie bénéficient maintenant du label École Partenaire de l'Avenir pour l'enseignement de l'allemand. Il s'agit d'un lycée à la possession, Pierre Poivre de Saint-Joseph et Louis Payen de Saint-Paul. 31 établissements ont reçu ce label en France. Alors à quoi ça sert ? Bien, ça permet de faire passer aux élèves de terminale en section européenne allemand les épreuves écrites et orales du niveau 2 du diplôme allemand DSD. C'est un diplôme qui est reconnu et qui valorise la compétence linguistique. Il permet même de s'inscrire dans une université allemande sans avoir à passer un test de langue. Velayudob Marimoutou, le recteur de l'Académie de La Réunion, se félicite de pouvoir proposer cette option chez nous. Un label, c'est toujours important, surtout en langue. La labellisation, cela vous met, installe dans un réseau, d'accord ? Et le réseau vous donne énormément d'opportunités puisque cela vous permet de faire circuler après, monter des programmes en commun, faire circuler les élèves, faire circuler des enseignants, et tout ceci pour le plus grand bénéfice des élèves. Pourtant, on pourrait croire que l'allemand, finalement, ça intéresse pas grand monde. On parle peu allemand. Oh non, toutes les langues sont importantes. Toutes les langues sont importantes, même les langues les plus modimes. Cela permet pour l'allemand et pour d'autres, de donner de la structure à la pensée, de la formaliser. Même si une langue est parlée par très très peu de gens, elle exprime énormément de choses. Velayudom Marimoutou, le recteur de La Réunion, répondait à Hubert Debeu. 5h38 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Isabelle, vous connaissez le fameux consommer 5 fruits et légumes par jour. Oui, madame. Eh bien, c'est censé nous rappeler qu'il faut varier, équilibrer notre alimentation, mais les habitudes ont la vie dure et comme chez nous, à Mayotte, les déséquilibres alimentaires commencent à occasionner des pathologies lourdes comme de l'obésité ou encore du diabète. Du coup, les Mahorais sont invités à adopter la fraîche attitude. C'est une opération que l'on connaît ici aussi. Hier, des producteurs de fruits se sont rassemblés à Mamoudzou pour vanter les bienfaits de leurs produits. Léna Dimitriana est nutritionniste à l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de la promotion de la santé. Elle pointe les failles de l'alimentation mahoraise. L'objectif de cette journée Fraîche Attitude, c'est de faire découvrir et d'expliquer à la population mahoraise que nous pouvons nous nourrir très bien à Mayotte sans dépenser beaucoup d'argent. On a tous les moyens qu'il faut sur le territoire pour se nourrir correctement parce qu'il y a des carences en vitamines, il y a beaucoup de carences en croissance pour les enfants. Le problème de l'alimentation mahoraise, c'est qu'on fait cuire le tout. Or, le corps, il a besoin des légumes et des fruits crus parce que c'est que là qu'on trouve les minéraux, les vitamines, la bonne qualité en sucre et des fibres alimentaires pour le système digestif. Des propos recueillis par nos confrères de Mayotte Première après Mayotte, direction Paris, où se tient jusqu'à demain le salon des professionnels du tourisme. C'est l'occasion pour eux de se faire remarquer par les agences de voyage ou de vendre l'image du territoire. Les Outre-mer ont leur carte à jouer. On sait que la France hexagonale est une destination touristique très prisée. Erika Barrett souhaite que les Outre-mer soient présentés dans un ensemble avec les atouts métropolitains pour qu'ils soient plus visibles à l'étranger. Aujourd'hui, le tourisme représente à peu près 10% de création de richesses dans les territoires ultramarins, tout confondu. Ce qui est pas mal, mais qui est bien en dessous de ce que nous pouvons faire. Nous pouvons poser une nouvelle ambition pour les territoires et les départements d'outre-mer. On a une vraie potentialité humaine, culturelle, de diversité, gastronomique, historique, de paysage. Donc, nous devons progresser, mais nous devons progresser tous ensemble. Et nous devons avoir une visibilité au niveau national. Nous devons intégrer la stratégie française du développement touristique. La ministre des Outre-mer, Erika Barrett, interrogée par Julie Straboni. Merci Cécile. À tout à l'heure. À 6h pour l'information, avec Florent Marot. Mais pour le moment, il est 5h41 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Bon, Mickaël, on a eu de la pluie, de l'est sur le sud, et pour le reste de la journée, ça va s'améliorer ou... Bof. Eh ben non, pluie et fraîcheur super. Sur le nord, l'est et le sud sauvage. Mais bon, arrête ça, même. Ce matin, en tout cas, en ce début de journée, pour le moment, ça devrait s'éclaircir sur ces parties de la Réunion. Et je dis fraîcheur, pas forcément au thermomètre, d'ailleurs, parce qu'à sous-abri, il fait 20 degrés à Saint-Denis, 21 degrés du côté de Saint-Gilles, ou encore 9 à la Plaine des Caves, donc c'est plus doux que ces derniers jours. Mais avec ce vent, notamment qui souffle sur l'est, le sud sauvage et le nord, on ressent de la fraîcheur. Et puis alors, les petites averses qui vous fouettent le visage participent pas à vous faire apprécier le temps dehors, ça c'est clair. Ouais. Les nuages, eux, sont moins nombreux dans l'ouest où le ciel est plutôt dégagé en cette fin de nuit et en ce début de journée. On aura donc un soleil bien vaillant sur la partie ouest jusqu'à Saint-Pierre, alors que sur le nord, l'est et le sud sauvage, on aura du mal à se débarrasser de ces nuages. Puis ensuite, ils devraient progressivement se désagréger. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et il est maintenant presque 5h42, donc on est à quelques minutes de 6h. Avant 6h, on fait quoi? Bon, on joue avec vous. On va jouer notamment pour vous faire gagner vos places de concert pour ce concert événement le 7 octobre prochain. Ouais, Enfants Zillois. Pour ça, on attend l'arrivée du DJ Fou, de ces deux chansons mixées. Ouais. Et puis après, il va falloir appeler 99-2000 à la clé des cadeaux. Et pareil que le DJ Fou est dans le love en ce moment. Hein. C'est vrai? Il est amoureux. Donc on verra peut-être que le mix du 22 septembre sera amoureux. Sera sous le domaine de l'amour. Oh, c'est bien ça. Badker, le facteur de ma fat sur Première. Bon réveil à tous. La brume dort dans la plaine, le jour se lève à peine. 40 kilos de lettres, c'est parti pour des kilomètres. Mes vieilles pompes, ma casquette et le cuir de ma musette. Je traverse tranquille dans ce monde paisible. Les sentiers serpentent, le cirque, la forêt, ce vent de vent et haut.

Eh ben, j'espère, parce que quand on commence le matin comme ça, qu'il pleut, c'est pas terrible, quoi. On n'a pas trop le moral. Mais là, ça a l'air de se dégager, donc je pense que, ouais, je pense qu'il va faire beau tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il fait meilleur le matin, il fait moins frais, n'est-ce pas? Il fait moins frais, oui, tout à fait. Ah, c'est vraiment très, très agréable. Alors, vous, Alexis, vous êtes Monsieur Sachet le marché. Alors, on m'appelle Monsieur Sachet, Monsieur Barquette. Oui, on va comprendre pourquoi. Plus loin, parce que on va dire que je suis le lien entre le forain et le client, donc je revends des sacs. Bon, je vends des sacs, je vends aussi des barquettes, je vends aussi plein de choses à côté. Tout ce qui est conditionnement et emballage, on va dire, sur les marchés forains. Voilà. Alors, pourquoi il y a encore des sachets sur les marchés forains en ce moment ? Alors, pourquoi il y a encore des sachets sur les marchés forains ? Tout simplement parce que sur les marchés forains, on considère les sacs jetables, les sacs de caisse, comme des sacs de métier. Ouais. C'est un petit peu comme à l'arrière d'une grande surface où on emballe ses légumes, son fromage, son poisson, sa viande, etc. Ça reste un sac de métier. Okay. C'est pour cela que ces sacs-là vont rester sur les marchés jusqu'au 31 décembre 2016. 2017, c'est une autre paire de manches. Comment on va faire en 2017 ? Ah ben 2017, on va rester dans la loi. Donc dans la loi, on aura des sacs en papier, on aura des sacs réutilisables. Ah, ça va être comme dans les supermarchés, absolument. En fait, c'est oui, ça. Oui, tout à fait. On achète son sac et après on le ramène sur le marché. Voilà. Et puis, je pense que les gens ont déjà commencé à prendre les bonnes habitudes, donc ils viennent avec la tente, le sous-bic, etc. Donc, oui, mais comment on va faire, Alexis ? On peut pas mélanger les oignons avec les tomates dans la sous-bic. Oui, effectivement. Oui, oui, oui, effectivement. Mais alors là, on aura effectivement sur les marchés à nouveau des sacs ou des sacs bio ou des sacs en restant dans la loi qui feront au minimum 50 microns d'épaisseur. Ah, les microns, c'est quoi ça ? Ah, c'est l'épaisseur du sac. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un sac qu'on trouve sur les marchés forains, les épaisseurs varient entre 8 et 14 microns à peu près. Là, on va être dans du 50. Ça va être très, très épais. Mais bon, on reste dans la loi. Et bon, effectivement, les sacs vont être plus chers. Mais moins, on pourra effectivement venir faire son marché, séparer ses fruits, ses légumes, sa viande, son poisson, etc. dans sa soubique ou dans son BATL. Voilà. Et tout ça en préservant la planète, bien sûr. Non, en préservant la planète. Oui, parce qu'on considère quand un sac est supérieur à 50 microns, ça deviendra un sac qui sera réutilisable. Prescal, la question avec Alexis, là, dans le temps longtemps, on faisait quoi ? On séparait aussi les aliments quand on allait les acheter au marché ? Dans le temps longtemps, on avait effectivement la subic le BATL et puis on avait les cornets en papier. On avait papier journal. Oui, cornets papier. On façonnait directement sur les marchés, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à Ticlode qui continue ce conditionnement. Lorsque vous allez le croiser au marché forain du Chaudron, il vend ses piments dans des cornets. Oui, comme les cacahuètes, comme les pistaches. Tout à fait. Comme les pistaches. Ça même, cornets pistaches. Cornets pistaches. Bon, on va vous laisser avec vos pistaches. Les bons. Oui, Prisca. On va prendre un café avec Alexis puis rendez-vous tout à l'heure. Bon, à tout déj. À l'heure. Salut Prisca. Merci. Bonne journée. Salut Alexis. Au revoir. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. C'est l'heure, Mickaël. T'as tes platines, c'est DJ l'heure. Fou. Bon, bah allez, c'est parti. On lance le mixeur alors. Allez, c'est le moment de jouer. Et vous appelez au le 02 62 99 2000. Attention, le DJ Fou aujourd'hui, il a deux titres. On va vous les diffuser, parce qu'il les a mixés, tant qu'à faire. Il n'y a pas mis pour rien. Et ensuite, il faut deviner. Je vous ai tous prévenu tout à l'heure, il est in love. Et c'est vrai qu'il y a des petits cœurs dans les yeux. DJ c'est Fou, chou, ça. T'es amoureux ? Oh ! Il y a un truc. Ok. Ouais, ok. Bon, on est content pour toi. J'ai pas bien compris ce qu'il montre là, mais j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment amoureux. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas. On va deviner. On va réfléchir à ça et puis demain on aura peut-être la réponse. Bon, DJ vous Fou. Écoutez bien. Voilà. Faut nous donner soit les titres, soit les chanteurs, chanteuses. Écoutez bien. Allez, go. Trop dur. Il sera avec nous ce matin. Enfin, peut-être. C'est notre mission. Le réveiller. Ok. Voilà, bah oui. Ah, on a pris un coup de vieux d'un coup, parce que le titre remonte, hein. Il y a quelques années, hein. C'était 2003. Il y a 13 ans. Y'a pas d'amour au hasard. Elle est jurée. Tu es bizarre. Jurée dans l'émission The Voice. Notamment. Yes. Ouais, bon, c'est sympa. Par un nouvel album, une nouvelle tournée, bref, tout va bien c'est, pour elle. C'est le moment d'appeler 0262 99 2000 et de jouer avec nous. Ah bah oui. Et comme vous appelez assez rapidement, bah on y va, on va sur la ligne 1. Bonjour. Salut. Bonjour. Oh, allô, c'est qui au bout du fil ? Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre, comment ça va Jean-Pierre ? Ça va, Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous faites quoi ce matin à part être sur la route? Je vais travailler, quoi. Et vous avez bossé dans quoi? Dans le commerce. Dans D'accord. le commerce. Et vous commercez quoi? Quel genre de produit? Marchandises hors mise en rayon, les produits. Très bien. Bah, ça a l'air de vous enchanter, hein, les produits. Il est content. Bon. Bon. Finalement, travail, j'adore mon travail. Ah, c'est bon, bien, okay, ça, non, Jean-Pierre. Au départ, ça s'entendait pas. Hein, donc, ok, c'est bien. Bon. Si vous entendez bien avec votre travail, c'est cool. Mon cher Jean-Pierre, il y avait deux titres et deux artistes. Est-ce qu'on l'a reconnu? C'est qui? Ou c'est quoi? Pixel. Ouais. Enfin, le premier, plutôt. Le premier, et deuxième, Jennifer. Jennifer avec Donne-moi voilà. le temps, Pixel avec Aléa Où. C'est gagné, Jean-Pierre. Bravo, Jean-Pierre. Bravo, super, merci. Super, vous repartez avec vos deux invitations pour ce concert en Fanzilwall, 7 octobre, au petit stade de l'Est. Désiré, François, Cassia, Lindigo, tout ça, c'est pour vous, mon cher Jean-Pierre. Eh bien, ça c'est bien, ouais, ça vous fait plaisir. Bienvenue dans la communauté de Grand Matin, parce que c'est la première fois que vous nous appelez. Bienvenue Jean-Pierre. Oui, c'est ça déjà, première fois. Eh ben, il va falloir continuer maintenant de le faire. Ah bah oui, hein. Vous nous rappellerez, hein. Ben, y a pas de soucis. Salut Jean-Pierre, bisous, bonne journée. Bisous Jean-Pierre, bye bye. Merci à vous aussi, au revoir. Et il est 5h54, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Arzac, Fabrice, Eric. Monsieur Arzac, Fabrice, Eric, le décès est survenu hier à l'âge de 50 ans. La veillée a lieu au centre funéraire. Le convoi mortuaire quittera le centre funéraire aujourd'hui à 14h. La bénédiction aura lieu en l'église de Petite-Île à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Monsieur Atti Maximin. Monsieur Atti Maximin. Le décès est survenu hier à l'âge de 53 ans. Le convoi mortuaire sortira de chez Madame Robert Véronique au 36 rue François Roland, Rivière des Roches, à Brapanon, aujourd'hui à 15h. La bénédiction aura lieu en l'église de Brapanon à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Brapanon. Décès de Monsieur Buisson Pierre-Philippe. Monsieur Buisson Pierre-Philippe, le décès est survenu hier à l'âge de 69 ans. La veillée aura lieu vendredi à partir de 9h au centre funéraire du Sud. La bénédiction aura lieu au centre funéraire à 11h30, suivie de la crémation au centre funéraire du Sud. Décès de Monsieur Grondin Charles Michel. Monsieur Grondin Charles Michel, dit Papy Charles. Le décès est survenu hier à l'âge de 68 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 19 rue des Vacquois à Saint-Benoît à 13h30 cet après-midi. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Rose. Décès de Monsieur Klein Jean Moïse. Monsieur Klein, Jean Moïse. Le décès est survenu mardi à l'âge de 59 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente de la Chaloupe Saint-Leu à 15h cet après-midi. La bénédiction aura lieu à la chapelle à 15h30. L'inhumation se fera au cimetière du Platte à Saint-Leu. Décès de Madame Fontaine née Folio Marie Inès. Madame Fontaine née Folio Marie Inès. Le décès survenu mardi à l'âge de 80 ans. La veillée a lieu au domicile 38 rue Terrain Isotier à Piton des Goyaves. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Zilmia Marie-Augusta née Barbin. Madame Zilmia Marie-Augusta née Barbin. Le décès est survenu mardi à l'âge de 92 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au 30 bis chemin des Grenadiers à Boisneuf-Sainte-Clotilde à 14h. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Clotilde à 14h. L'inhumation au cimetière de Sainte-Clotilde. La date sera précisée ultérieurement. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Michael, des infos pratiques pour aujourd'hui. Ouais, ça va aller très vite, il y a des coupures d'électricité prévues aujourd'hui, jeudi 22 septembre à Saint-Denis, 9h à 16h30, du côté des Camélias, rue des Camélias en partie et avenue des Cocotiers en partie, et aux trois bassins de 8h45 à 16h sur le chemin Pifto, partie basse. On se réveille avec vous, on déjeune aussi avec vous, votre petit déjeuner avant 8h, hein, faut nous l'envoyer sur la page Facebook Grand Matin. Exactement. Est-ce que ça vous permet de repartir avec vos places de cinéma pour cet excellent film avec les deux Guillaume Ces années, moi. Et Guillaume Gallienne. Oui. Et puis peut-être votre passe pour le tirage au sort de demain. Eh ben oui, c'est déjà demain. Eh ben oui, c'est déjà demain. C'est déjà demain, faut se dépêcher là, demain, petit déjeuner photo vite. Imaginez-vous déjà ce week-end au large de Saint-Gilles dans un bateau, rien que pour vous, avec quelques personnes pour profiter d'un après-midi pieds au soleil. C'est cela qu'on vous offre avec Croisière et Découverte sur le Catapassion. Ça même, c'est Cata Fantastique. Et c'est votre et c'est votre croisière, comme d'habitude, à gagner en envoyant votre photo de petit déjeuner sur la page Facebook Grand Matin, JRN apostrophe matin, c'est et likez la page, on est de plus en plus. Bah oui, il faut atteindre les 1000. Hein, les 1000, ça sera important. C'est vrai. Un millier, c'est le cap à franchir. Oh là là là. Allez, on y va, en route vers les 1000. Patrick Manoro, un autre causé sur Première. M'a pas dit mon dernier mot. Mon langue n'est pas un fardeau. M'a pas dit mon dernier mot. Mon langue n'est pas un fardeau. Jolies paroles nous enseignent la laisser. Mais jolis petits mots, t'es foutant. Un joli mani, d'autre façon, présenté. Même pour l'amour, t'es fait ça, en respect. Jolie parole, nous dansons, la laisser. Joli petit mot, t'es foutant, la encore. Un joli mani, d'autre façon, présenté. Même pour l'amour, t'es fait ça, en respect. Mais l'a pas dit, mais m'y voit l'avenir. Et mon patois, où ça y ça va? Comme on y crasse opposé, bien ramassé ou salifane ça. M'en l'a pas dit, mais m'y voit l'avenir. Et mon patois, où ça y ça va? Comme on y crasse opposé, bien ramassé ou salifane ça. Jolie parole nous enseigne, la laisser. Jolie manière, d'autre façon, présenter. Même pour l'amour, t'es fait ça, en respect. Jolie parole nous enseigne, la laisser. Jolie manière, d'autre façon, présenter. Même pour l'amour, t'es fait ça, en respect. Ne l'a pas dit ou t'es nous y'aime ça. Quand tout le monde y chante en causer, ne connaît où ça y sent ça. Et la réunion, il faut nous garder ça. Ne l'a pas dit, mais t'es nous y'aime ça. Quand tout le monde y chante en causer, ne connaît où ça y sent ça. Et la réunion, il faut nous garder ça. Jolie parole nous enseigne, la laisser. Joli petit mot qui m'a fait envoler. Causer santé, une façon exprimée. Même si le temps y ramène notre causé. Jolie parole nous enseigne, la laisser. Et Patrick Manoro est avec nous ce matin, dans Grand Matin, il avec un autre causé sur Première. Bah oui. Il faut qu'on accorde nos... Bah, il faut juste désannoncer Patrick Manoro tout de même. Merci d'être venu, Patrick Manoro, dans cette matinale. À bientôt, c'est un grand plaisir. Salut, Patrick. Il est 6h sur la Première. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Blocage terminé autour des usines du Gol et de Bois-Rouge. Les planteurs de la CGPER ont obtenu gain de cause tard hier soir. L'État aurait confirmé le déblocage d'une enveloppe d'€1,7 million. On confirmera l'information avec Jean-Bernard Gontier. Le président de la Chambre d'agriculture est avec nous. Jean-Hugues Ratenon lui interpelle les décideurs politiques sur la loi Territoire zéro chômage longue durée, une loi expérimentée dans l'Hexagone et qui autorise l'embauche de 200 à 250 chômeurs. Mais pour l'instant, aucun dossier n'a été déposé à La Réunion. L'hôpital d'enfants de Saint-Denis ouvrira ses portes au public jeudi prochain. C'est une première. Objectif, faire découvrir l'établissement qui a subi des modifications. On en parle dans ce journal. Et puis en sport football, on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe régionale de France. Pas de finale avant la lettre. Le programme à la fin de cette édition. Le soulagement pour les planteurs de canne. La campagne sucrière va reprendre normalement. Le blocage est terminé autour des usines du Gol et de Bois-Rouge. Les planteurs de la CGPER ont obtenu gain de cause tard hier soir. Ils réclamaient le versement immédiat des aides de l'État. L'État qui aurait confirmé le déblocage d'une enveloppe d'€1,7 million. Jean-Bernard Gontier, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture. Bonjour. Bonjour. Alors vous confirmez ce chiffre d'€1,7 million? Oui, pour les MAE, on a pu débloquer sur le dernier point justement, 1,7 million pour le paiement des MAE pour la fin de l'année. Alors les aides seront donc versées prochainement, c'est ce que vous demandiez? Oui, voilà. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que l'aide à la production soit versée à partir du 1er octobre, que le solde de l'ICHN de 2015 soit aussi versé à partir du 15 octobre, et qu'on aura aussi, à partir du 15 octobre, l'ICHN de 2016, mais une avance sur l'ICHN de 2013, entre 80 et 90% de l'ICHN de 2016. Et le conflit est terminé, la campagne reprend ce matin? La campagne, on redémarre ce matin, là je suis déjà sur les plateformes, Là, on est en train de refaire l'organisation pour la reprise des livraisons. Merci Jean-Bernard Gontier. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre d'agriculture. Le conflit est donc terminé autour des usines du Gol et de Bois-Rouge. Une histoire de gros sous, voilà comment Thierry Robert qualifie ce qui se passe autour de la carrière de bois blanc. Le député maire de Saint-Leu est en colère. Il faut arrêter de dire que Thierry Robert empêche de faire la carrière de bois blanc, parce qu'en clair, la carrière de bois blanc n'est plus utile. Inutile, selon lui, parce qu'il y aurait déjà assez de roches pour la nouvelle route du littoral. Il s'agirait en fait d'une guerre de multinationales. La SCPR et le groupe Colas continueraient de faire le forcing pour garder le marché et écarter un concurrent NGE qui exploite déjà les deux carrières de Saint-André. Politique, toujours, avec la primaire à droite et au centre prévue en novembre, le sénateur-maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, a choisi son candidat. Ce sera Nicolas Sarkozy. Il l'a annoncé hier soir face à ses militants en expliquant son choix. Selon lui, Nicolas Sarkozy est l'homme de la situation, mais c'est surtout le programme de l'ancien président, notamment sur le chômage, qui a convaincu Michel Fontaine. La zone franche globale, une zone franche douanière, l'exonération des taxes et des charges sociales pour les entreprises qui créent de l'emploi ou qui maintiennent véritablement de l'emploi. Je pense que là, nous tenons ce qu'il est nécessaire pour notre département de la Réunion, à travers le fait que tous ceux aujourd'hui qui sont en errance et qui permettent aujourd'hui d'aller au RSMA, tous ceux qui ont 19 et 26 ans, ça c'est important. Parce que la principale richesse que l'on peut donner à quelqu'un, c'est bien entendu de donner un emploi. La fierté passe par un emploi passe par une formation, et la formation de notre département, qui mieux que le RSMA est capable de lui assumer. Michel Fontaine au micro Réunion Première de Pierre Comorassamy, la primaire des Républicains. On en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Béatrice Sigismaud, la secrétaire départementale du parti. Au menu également la polémique autour du parc national. Jean-Hugues Gratton, de son côté, interpelle les décideurs politiques sur la loi Territoire zéro chômage longue durée. Une loi parue au journal officiel le 1er mars dernier est déjà expérimentée dans l'Hexagone. Mais rien pour l'instant à La Réunion. Aucun dossier n'a été déposé. La loi autorise pourtant l'embauche de 200 à 250 chômeurs. Pour Jean-Hugues Gratton, La Réunion ne doit pas rater le coche. Les élus doivent agir. Surtout que la date limite des appels à projets expire au mois d'octobre. 5 régions peuvent encore se porter candidates. Jean-Hugues Gratton. Il a été clair, et là, il a raison, le sous-préfet de Saint-Pierre, c'est qu'il dit il y a une loi, la préfecture est prête à accompagner les projets, mais c'est aux acteurs de terrain de faire remonter les projets. Ce n'est pas la préfecture d'aller monter les projets sur le territoire. Et c'est pour cette raison qu'on s'étonne du silence de la classe politique réunionnaise. C'est beau de dire, de sauter en l'air, nous n'en avons un ministre créole, une réunionnaise que les ministres ont dit, mais demande à elle d'accélérer sur ce dossier-là et de créer toutes les conditions pour qu'il y ait une application à La Réunion. Que sinon, à quoi ça sert d'avoir une ministre réunionnaise si ça ne sert pas l'intérêt de La Réunion? Jean-Hugues Gratton de Résistance Égalité 974, interrogé par Pierre Comorassamy. 6h06 sur La Première, la suite du journal Florent Marot. Ce sera le 29 septembre, jeudi prochain, une journée porte ouverte à l'hôpital d'enfants de Saint-Denis. La structure privée gérée par l'association Saint-François d'Assise souhaite faire découvrir l'établissement qui a subi des modifications. Une soirée débat sera également réservée aux professionnels. C'est la première fois que l'hôpital organise ce genre d'événement, devenu aujourd'hui nécessaire, selon Sylvain Batty, le directeur de l'hôpital d'enfants. La place de l'hôpital d'enfants, qui a évolué au cours des années, mérite aujourd'hui d'être reprécisée auprès de la population. C'est un établissement qui, auparavant, avait des activités qu'on appelle de court séjour pédiatrique ou d'urgence pédiatrique ou liées à la naissance. Et aujourd'hui, son rôle est complètement différent. Il est plutôt dans la réinsertion, la réhabilitation, la réadaptation de l'enfant dans sa globalité. Aujourd'hui, on reçoit qui dans cet hôpital? Bien, on reçoit des enfants atteints de troubles congénitaux ou liés à un accident de la vie. On traite les brûlures, les troubles du locomoteur, les pathologies liées au diabète, à l'obésité, à la nutrition, aux troubles neurologiques essentiellement. Sylvain Batty, directeur de l'hôpital d'enfants, micro-réunion première de Johan Adamadorassi. On passe au sport avec du football. On connaît les affiches des demi-finales de la Coupe régionale de France. La Saint-Pierroise affrontera l'ASC Grand-Bois dans un derby qui s'annonce chaud. Et dans l'autre rencontre, l'Excelsior sera opposé à l'AS Sainte-Suzanne. Des rencontres qui se joueront le week-end des 8 et 9 octobre sur terrain neutre. Du changement dans le petit monde du rugby réunionnais, Armand Coupou, jusque-là président du comité régional, a été battu lors des dernières élections. Son successeur s'appelle Daniel Blondy, ancien vice-président. Il affirme vouloir mettre en place une nouvelle méthode de travail. Allez, on termine ce journal avec le troisième symposium interreligieux de l'Indian Oceanie. Ça se passe à La Réunion après Maurice en 2009 et les Seychelles en 2012. 150 congressistes se réunissent à partir d'aujourd'hui au Moka pour débattre de plusieurs thèmes. Ce matin, par exemple, ce sera l'océan Indien, zone de paix. On parlera aussi du réchauffement climatique, écologie et spiritualité. Un thème incontournable actuellement pour le réseau interreligieux. Idriss Issop Bagnan, président du groupement interreligieux de La Réunion. Je crois que depuis l'encyclique du pape, Laudato Si, il y a une prise de conscience générale qui se fait, dans le sens où on doit aborder le problème, ce phénomène du réchauffement climatique, juste à compter le nombre de degrés d'élévation de la température moyenne qui se passe dans le monde, mais aussi sur le comportement général que nous devons avoir face à la nature. Idriss Issop Bagnan, président du groupement interreligieux de La Réunion, interrogé par Jean-Paul Mélade. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on va aux USA, aux États-Unis, ce matin en Caroline du Nord, où il y a eu de nouvelles violences. Anne-Charlotte Costabadi. Une nouvelle nuit de violence à Charlotte en Caroline du Nord. Selon le chef de la police, une personne serait morte touchée par des tirs lors d'une manifestation qui opposait forces de l'ordre et des centaines de personnes cette nuit. La police serait hors de cause selon des responsables. Ces manifestants étaient venus dénoncer la nouvelle mort d'un homme noir abattu avant-hier par un policier qui affirmait qu'il était armé. Il n'avait qu'un livre en main selon ses proches. Tenter de sauver le processus diplomatique autour du conflit en Syrie, ce sera l'objectif du groupe international de soutien à la Syrie aujourd'hui. Une vingtaine de pays et d'organisations se retrouvent en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, sur fond d'éclatement de trêves et de grandes tensions entre les États-Unis, la Russie et le régime de Bachar al-Assad. Ils s'étaient retrouvés avant-hier sans proposer de solution complète. La feuille de route de ce groupe comprend un cessez-le-feu durable, l'aide humanitaire apportée rapidement, l'amorce du processus politique entre le régime syrien et l'opposition modérée également. Au Venezuela, il n'y aura pas de référendum contre le président Nicolas Maduro cette année. Une annonce des autorités électorales accusée par le camp anti-Maduro de retarder son processus de destitution au maximum et de le protéger en pleine crise économique. Il devrait avoir lieu après le 10 janvier 2017, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'élection anticipée. Le vice-président du même parti prendrait sa place jusqu'en 2019. Le couple Chirac hospitalisés. Leur famille appelle au respect de la tranquillité donc du couple Chirac-Bernadette hospitalisé hier à Paris pour, je cite, souffler un peu. La femme de Jacques Chirac serait épuisée selon ses proches après son hospitalisation ce week-end pour une infection pulmonaire. L'ancien chef de l'État et Bernadette Chirac ont 83 ans. Un homme d'une vingtaine d'années fiché S a été interpellé dans la matinée hier à Val-de-Reuil dans l'Eure, près de Rouen. Il a été repéré par un étudiant en train d'arpenter les alentours de l'université de droit en prenant des photos et surveillant les allées et venues. L'étudiant a ensuite noté sa plaque d'immatriculation, ce qui a permis son interpellation chez lui. Les services de déminage, après des vérifications, ont fait des vérifications dans la faculté qui a donc été fermée et évacuée par précaution. C'est la plus grosse commande d'avions de combat français pour l'export. Après 9 ans de rebondissement, l'Inde, ça y est, a donné son accord et achète 36 Rafales pour 7 milliards d'euros. Des avions qui seront produits par Dassault en France. La première livraison devrait être d'ici 3 ans. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, sera demain en Inde pour signer le contrat. Et puis un petit mot de football pour la 6e journée de Ligue 1. Nice est en tête du classement après sa victoire contre Monaco 4-0. La météo de ce jeudi avec un temps qui reste agréable. Du soleil pour toute la moitié est du pays et le long des Pyrénées. Le temps plus voilé de la frontière belge au Pays de la Loire en passant par l'Île-de-France. Quelques nuages et des gouttes de pluie à attendre. en Bretagne, le long de la Manche dans la matinée. En début d'après-midi, les températures de 8 à 17 le matin, de 18 à 26 l'après-midi. Sur la première. Ah, c'est nuageux dans l'Est. Hein. Bien nuageux. Alors, c'est encore plus nuageux qu'hier quand on regarde le ciel là-bas du côté de Sainte-Suzanne. De Sainte-Suzanne à Saint-Philippe, c'est globalement pas bon. Hein, avec parfois des averses, un peu de vent qui rafraîchit l'atmosphère. Alors que les températures sont plutôt douces. Sans le vent. 20 degrés en moyenne sur le littoral. Presque 22 à Saint-Gilles à 7h. Et dans l'intérieur de l'île, 13 degrés au tampon et 9 à la plaine des Cafres. Il fait plus beau à l'ouest qu'à l'est ce matin à nouveau. Le ciel donc va se partager entre nuages et éclaircies au fil des heures, tout de même dans la matinée dans l'est, puisqu'on retrouvera un peu de soleil, et dans l'ouest ça sera plein soleil avant l'arrivée des nuages sur les hauteurs de l'ouest qui vont couvrir le ciel et déborder sur le littoral entre Saint-Paul et la région de Saint-Leu. Et le vent va souffler aujourd'hui, mais très modérément, des rafales comprises entre 30 et 40 km/h sur l'est, le nord et puis la région aussi entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. Les températures remonteront cet après-midi, surtout dans l'ouest, avec 27 degrés attendus sur le littoral. Et justement, on va filer côté Sainte-Suzanne. Yves Gruyer, bonjour. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. De la pluie, en tout cas une route mouillée en quittant Saint-Denis dès le plateau de la Mare. Donc attention, et il y avait encore un petit grain de pluie quand je suis passé tout à l'heure, il y a 20 minutes, 25 minutes. Donc attention, route donc mouillée. Il pleut toujours un petit peu dans les hauts. Les hauts sont encore bien bouchés, même si sur le littoral, ça a tendance à se calmer. Mais en tout cas, route glissante, attention, les ralentissements qui se font dès la sortie de Saint-André pour rejoindre, comme d'habitude, la Ravine des Chèvres. Une fois passé Ravine des Chèvres, le trafic est beaucoup plus fluide et vous arrivez sur Saint-Denis sans problème. Par cette entrée est, entrée ouest également, ça roule correctement, peu de problèmes en ce moment. Les ralentissements se situant à Plateau Caillou, pour ne pas changer donc depuis le début de la semaine. Alors, ceci dit, on n'a pas eu trop d'embouteillages qui sont remontés donc vers le tunnel du Cap Laousset cette semaine. C'est assez étonnant, c'est peut-être également l'effet, donc comme je vous le disais, dans la semaine, du côté des rampes de Plateau Caillou avec un carrefour poivre où la circulation se fait un peu plus facilement en arrivant sur la chaussée royale. Voilà, en tout cas, très bonne route, prudence dans l'Est, attention au carambolage, donc gardez vos distances de sécurité. Aujourd'hui, c'est la journée sans voiture, hein, théoriquement, hein, on devrait moins prendre sa voiture. Ils y sont. Allez, rendez-vous avant 6h30, Yves, à tout à l'heure. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. En même temps, parfois, on a du mal à voir comment faire autrement prendre sa voiture à La Réunion. Bon courage pour ceux qui sont dans les embouteillages en ce moment, même si c'est pas non plus encore le chaos sur les routes. C'est pas le chaos, c'est un petit peu comme c'est la tradition. C'est un peu comme tous les jours. Saint-André, tu connais jusqu'à la Ravine des Chèvres, et puis dans l'Ouest, c'est changé de plateau caillou. C'est la vieille routine qu'on n'aime pas, le matin quand on se réveille et le soir quand on revient du boulot. Mais c'est pas grave, vous savez ce qu'on va faire ? On va vous redonner un peu le sourire, on va vous filer 20 euros dans un instant. Eh oui, il suffira de composer le 99, 2000 et vous repartirez avec votre bon d'achat à utiliser dans les magasins Espace Fraîcheur. Parce que le porte-monnaie n'est pas très, très lourd là, le 22 septembre, on est presque à la fin du mois. Donc on va essayer de vous l'alourdir un peu, on ira sur le marché tout à l'heure, le marché du... De Brapanon, et puis avant 7h, on va tenter de réveiller Pixel. Ça, c'est vraiment la mission de ce matin. Ouais. C'est une grande mission parce que Pixel n'est pas du tout du matin, l'artiste. Ah, ça se peut nous dit ça. Le Bouguefine est réveillé depuis 4h du matin. Possible. Alors, là, nous sera apparemment, joli. Il a mis des réveils partout, matériels, et puis il a mis des réveils humains aussi autour de lui. Donc des gens chargés de le réveiller. Quand même, ça sera bien. On peut décrocher téléphone. On a des chances de parler de son album qui sort demain. Nouveau départ dans les bacs, 23 septembre. Voilà, donc demain. À acheter absolument. Oui. Navi pour la suite. J'écoute du Miles Davis. Ah bah ouais, pourquoi pas. Bah oui, ça me va bien. Envoyé. 6h16, mon réveil. Bonne journée. Ma peine au fond d'une fiole. Puisqu'on sera plus ensemble, si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On se reverra pas, t'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça, tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. afflige de supplice. Puis on se lasse, prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc, des larmes de crocodile en fond Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige du supplice, puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige du supplice. Tu m'aimes au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis Et si vous écoutez du Miles Davis avec nous en ce moment, bah sachez que vous allez pouvoir mettre 20 euros dans votre poche là maintenant. Après Navy, sur Première, on va les pourquoi pas les dépenser chez Espace Fraîcheur. Eh ben voilà. Oui, Othé. Bah même d'ailleurs, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est là-bas que tu dois utiliser ton bon d'achat. Mais bon, l'essentiel, c'est d'avoir 20 euros. On vous donne l'argent par un tout petit. Non, c'est Espace Fraîcheur, tais-toi. Chez Espace Fraîcheur, 0262 99 2000. Allez, on vous les offre juste après ça, restez là. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première vous invite pour la Nuit Étoilée, une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expo Bat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Première. Première. Ce petit standard qui s'illumine. Ça sonne, ça clignote de partout. Mais il faut que ça sonne encore un peu plus. Ah bah alors on va attendre un peu alors. 99 2000 pour gagner vos 20 euros chez Espace Fraîcheur. Vous ne pouvez pas les utiliser ailleurs. Non. En tout cas, chez Espace Fraîcheur, vous pourrez le faire. C'est déjà pas mal. Tu rentres, tu donnes ton bon. C'est ça, oui. Et après, tu remplis ton panier. Oui. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Bon. On va accueillir Amoun. On accueille quelqu'un. On accueille qui d'ailleurs? Ah, Gilberte. Ah, Gilbert. Bonjour Gilberte. Coucou, Gilbert. Bonjour. Comment ça va, Gilberte? Ça va très bien. Bah, ça s'entend. Ah, oui. Et à Gilberte, à vous aussi, on va vous dire bienvenue parce que c'est la première fois que vous nous appelez. Ah oui, c'est la première fois. Ah ben, il était temps, Gilberte, depuis le temps, nous t'attendent que vous téléphones à nous, ma fille. Bah, des fois, j'entends Lucas, je la connais très très bien. Oui. Il est le parrain de mon petit-fils. Ok. Mais je gagne jamais la ligne. Ah, ben bah, c'est cool. Ici, vous pouvez vous l'avez. Voilà, ah, ça y est. Vous avez un coup de bol, c'est cool, Gilberte. Et Gilberte, on va vous offrir vos 20 euros pour... Bah, oui. Pour aller les dépenser chez Espace Fraîcheur. Bravo Gilbert. Oh, ben merci beaucoup. Voilà, vous achèterez alors tous les légumes et les fruits que vous d'accord, voulez. D'accord, mais je suis déjà âgée quand même. Hein. C'est pas grave, pas grave, ça, vous pouvez acheter des fruits et légumes voilà, quand même. Merci alors, beaucoup. Bon, alors Gilbert, vu que allez, au revoir et bonne journée alors, à attendez, vous. Attendez, Gilbert, vu que c'est la première fois, on va se présenter oui, quand oui, même. Oui, c'est ça. Isabelle, Mickaël. Voilà. Enchantée Gilbert. Merci. Mais elle s'en fout en fait, Gilbert. Salut Gilbert. Bisous, ma chérie, bye bye. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Vu que Gilberte s'en fout, on va aller sur le marché. Oui, avec Prisca. Allez. Et peut-être que Gilberte pourra acheter du potiron. Hein, Prisca ? Allez. Ah oui, il y a du potiron avec Lolita, mais avant de vous présenter Lolita, on va faire un petit coucou à Fred. Bonjour Fred. Bonjour. Coucou Fred. Salut Fred. C'est rare le combava et le citron galé. Sur le combava, c'est rare. Hein. Vous en avez ici sur le marché ? Je cherche. Ouais, ça vient d'où ? Ben, à Saint-Paul. Combien ça coûte le citron galé, là ? Citron galé, là, en ce moment, il y a plusieurs variétés. Il y a les petits à 50 centimes et les gros, c'est à 9 pièces. Et c'est quoi qui change dans ces deux variétés de citron ? La grosseur, le goût est pareil. Hein. Combien coûte ? Ben, comme 50 centimes. 50 centimes, les petits et les gros, c'est 1 € pièce. Et le combava, combien coûte ça, là ? En ce moment, il n'y a pas beaucoup. C'est la saison, il a fini la saison, mais là, j'en ai 3 prix. Oui. Il y a les petits à 1 €, les moyens à 1,50 € et les plus gros, c'est à 2 €. Bon, allez, sortez les recettes de cuisine et puis sortez le porte-monnaie, hein, comme l'a précisé Fred. Alors, Lolita, elle a ramené des potirons ce matin sur le marché forain de Brapanon. Bonjour Lolita, comment ça va ce matin ? Je vais bien, merci. Oui. Ah, attendez, mettez l'oreillette. C'est pour vous, ça, Lolita. Allez. Pour vous. On a une surprise pour vous. Mettez l'oreillette, Lolita. Allez-y, Lolita. Je m'appelle Lolita. Vous pouvez chanter, hein, si vous voulez. Non, déjà qu'il commence à avoir un beau temps, là. Oui, voilà. Il faut que je chante. Ouais, c'est vrai que les nuages sont partis. Vous avez raison, le soleil commence à arriver. Bon, on va parler de potimarron. Potiron, pas potimarron. Non, potimarron, c'est autre chose. C'est quoi, le potimarron ? Elle aussi, elle s'en fout, en fait, hein, Lolita. Ah ouais. Donc, en fait, le potimarron, c'est plus petit que le potiron. C'est ça, exactement. Donc, on prépare Halloween avec vous, c'est ce que vous m'aviez dit. Hein. Ouais, on prend un peu d'avance. Hein. Ah oui, là, oui, ça, un mois. Exactement. Vous avez ramené 2 potirons. Comment est-ce que ça se prépare ? Est-ce que c'est comme la citrouille ? C'est de la même famille. Après, oui. Elle est un peu plus sec. Mm-hmm. Hein, et bon, après, il y a les gens qui les consomment en soupe, en potage. Velouté. Voilà, au sucre. Nous, on aime bien le sucre. Et là aussi, il y a une autre variété de courge, c'est le butternut. C'est ça, exactement. Oui. Donc ça aussi, ça se déguste en velouté. Oui. Au sucre, en velouté, en daube. Voilà. Et comment est-ce que vous allez vendre les potirons ? Parce que là, les gros, là, on vend au kilo ? Au kilo, oui. Mais après, j'en ai déjà une réservée pour Halloween. Bon, mince alors. Donc, pour ceux et celles qui veulent manger du potiron, il va falloir faire vite. Hein. C'est clair. Oui, voilà. Combien de kilos de potirons, là ? Je sais pas, mais j'en ai encore. Non, on va peser en direct. Allez-y, prenez combien le potiron. 3 kilos. Direct. On va finir là-dessus. Combien de kilos ? Non. Combien ? 3 ? Non, je vous laisse deviner. La balance ne marche pas. Bon, si, elle marche. 10 kilos. Bon. 10 kilos, énorme. Ah ouais. 10 qui dit mieux ? Bah oui, qui ça, dit ça mieux ? Ça rigole pas, hein, sur le marché. Merci, Lolita. Tout à l'heure, j'ai pesé un chouchou. Un chouchou, t'es fait 1 kilo, Lolita. Ah ouais, d'accord. Non, c'est possible. Impressionnant. Allez, belle journée. Merci, Prisca. Bisous. Bonne journée. Allez, bye bye. Ça roule, à tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, on écoute Émilie Sandé avant 6h30, le journal de Cécile Thomas. Mais avant, oui. On parle économie. Exactement, le secteur de la croisière qui a résolument le vent en poupe. Le nombre de croisiéristes est en hausse constante. Et les bateaux sont de plus en plus gros, de plus en plus luxueux. Mais cette industrialisation de la croisière est-elle forcément bénéfique aux Outre-mer ? Ah bon, on va le savoir maintenant. On va le savoir. Allez. Je te le dis. La chronique éco, Sébastien Letard. La plupart des professionnels du tourisme outre-mer le constataient déjà. Tous les croisiéristes sont loin de descendre à chaque escale. La course au gigantisme des bateaux, de plus en plus suréquipés, en a fait des lieux de navigation, de restauration, de sommeil, mais aussi de plus en plus de séjour. Pour les compagnies, c'est tout bénef. Plutôt que de voir des milliers de passagers débarquer chaque jour pour dépenser leur budget à terre, elles les gardent à bord. Mais les grands groupes mondiaux de la croisière, et notamment ceux qui accueillent des clientèles américaines, ont franchi une nouvelle étape dans ce développement de croisière hors sol avec la création d'escales sur mesure sur ce qui ressemble à des mix entre parcs d'attractions et centres commerciaux. Dernier exemple en date avec l'italien MSC Croisière qui va construire d'ici 2 ans une île paradisiaque privatisée aux Bahamas sur ce qui était jusqu'ici un dépôt de ferraille. Le projet a été dévoilé début janvier. Herminio Echena est le directeur général France de la compagnie MSC Croisière. Une compagnie qui regarde résolument à son avenir avec non plus un projet mais un véritable plan de développement très ambitieux qui va nous permettre d'ici les années 2021-2022 de doubler notre capacité offerte. Coût de l'investissement, 200 millions de dollars. Le projet est exceptionnel par son ampleur. 38 hectares, des activités sportives, bien-être, un pavillon réservé au mariage ou un amphithéâtre de 2000 places pour offrir, selon les mots de la compagnie, une continuité de service. Entendez, tout est traité par la même société. La concession est valable pour 100 ans. On n'en connaît évidemment pas les conditions, notamment sur le plan fiscal avec le gouvernement des Bahamas. D'autres compagnies, Disney Cruise Line, Royal Caribbean ou la Carnival, disposaient déjà d'îles ou de morceaux d'îles privatisés, mais plus petits. Le marché de la croisière est en plein boom, plus 10% en France en 2015. Une manne dont les compagnies de croisière comptent bien profiter au maximum, quitte à éloigner leurs passagers d'escales plus authentiques à terre. Merci Sébastien Lothar. Allez, dans un peu plus de 2 minutes, Yves Bruyer, pour l'inforoute, l'infotrafic. Journée sans voiture aujourd'hui, pourtant il y a des voitures. Hein. Bah, bon courage. Et des bouchons. Émilie Sandé. Next to me d'Emily Sandé sur Première dans Grand Matin. Bon réveil. Allez, on va sur les routes. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Yves, l'échangeur de Quartier Français. C'est une opération chirurgicale, le titre de la chanson là. Je suis Quartier Français avec des ralentissements à hauteur du radar de Saint-André après la Cocoteraie, vitesse moyenne à peu près 30 km/h. De toute façon, c'est à peu près d'ailleurs le temps que vous mettez une heure pour arriver jusqu'à Saint-Denis. Donc dans les embouteillages plus ou moins prononcés, là, à l'instant même au niveau de Quartier Français, là, ça roule à peu près. Puis un peu plus loin, bah, c'est vraiment très très chargé, bloqué parfois. Quelques instants en hauteur de l'échangeur de la Marine, surtout depuis le virage du Brûlon, la remontée de Bel Air jusqu'à l'échangeur nord de Sainte-Suzanne. Patience, route trempée, alors ne subissez pas trop les projections d'eau si vous êtes dans l'embouteillage, forcément, puisque là ça roule pas assez vite. Par contre, dans l'autre sens, attention, il y a des remontées d'eau, restez prudents sur toute cette partie de l'est. La circulation donc dégagée à l'entrée est de Saint-Denis, ça ralentit à hauteur de la caserne Lambert à l'entrée ouest avec un pont Vincennes et des tranchées encore fluides. Mais attention, il y a quelques petites zones déjà un peu chargées, notamment avant la Grande Chaloupe. Restez prudents sur la route du littoral, mais avec route sèche là-bas. Et puis le embouteillage n'a pas changé. On est entre l'échangeur de Plateau-Caillou et l'entrée de la tranchée couverte à Saint-Paul sur la fin de la route des Tamaras. C'est très dense jusqu'à la sortie de Cambay. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. 6h31 sur la Première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour. Beaucoup d'argent et des batailles pour les marchés entre grands groupes. Voilà ce qui se cache derrière les ouvertures de carrière à La Réunion. C'est Thierry Robert qui l'affirme. Le député maire de Saint-Leu ne veut plus porter le chapeau, nous l'entendrons. Le visage de Fabien Klein en une de vos journaux ce matin, mais c'est sa sœur qui a été arrêtée à Roissy mardi. Les enquêteurs traquent le djihadiste d'origine réunionnaise qui se trouverait en Syrie. Nos ancêtres les Gaulois, ça ne passe pas. Réaction du Parti communiste réunionnais dans ce journal avec Yvan Dejean. Et puis la poste de Bois de Nef à Saint-Denis va fermer, mais la poste a un plan B présenté avec Bruce Régent. Thierry Robert apporte de nouveaux arguments contre la carrière de bois blanc. Rien à voir avec les nuisances qu'occasionnerait l'exploitation du site. Le député maire de Saint-Leu dévoile ce qui se passe, selon lui, en coulisses. On le sait, il faut beaucoup de roches pour le chantier de la nouvelle route du littoral. Il faut créer des carrières à La Réunion. Des projets sont avancés à Saint-André, à Dioré et Mansiol notamment. Et à bois blanc, le premier projet qui se concrétise élimine les autres, car à Dioré comme à bois blanc, les gisements seraient suffisants. Pour Thierry Robert, il y a derrière tout cela une histoire de gros sous et de groupes du BTP qui se font la guerre pour rafler tout le marché. Les explications de Thierry Robert. Il y a d'un côté la société NGE qui veut s'implanter à La Réunion et qui détient les carrières, les deux carrières de Saint-André, et de l'autre la SCPR qui est une filiale de Colas qui eux-mêmes ont le marché de la nouvelle route du littoral. Et Colas veut absolument pas donner un bon de commande à NGE, qui est son concurrent, mais veut donner un bon de commande à la SCPR pour que tout reste concentré dans le groupe Colas et en quelque sorte exclure NGE. Il suffit qu'aujourd'hui Colas signe un bon de commande à NGE pour qu'il n'y ait plus de problème de galets. Donc il faut arrêter de dire que Thierry Robert empêche de faire la carrière de bois blanc, parce qu'en clair, la carrière de bois blanc n'est plus utile. Thierry Robert qui répondait à Pierre Comorasami. En bref, les planteurs ont levé leur barrage devant les usines sucrières cette nuit. La campagne va pouvoir reprendre après 3 jours d'interruption. Les manifestants de la CGPER ont obtenu gain de cause. La situation aurait été débloquée à l'issue d'une réunion interministérielle à Paris. La nouvelle est donc tombée tard, après 22 heures. 1,7 million d'euros seront bien versés aux agriculteurs pays prochainement. Les modalités du paiement restent à fixer. Ils sont d'origine réunionnaise et leur nom revient à la une. Les frères Klein sous pression, l'une des sœurs de Fabien et de Jean-Michel Klein, les deux djihadistes voix de Daesh après les attentats en France, a été interpellée mardi soir à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Elle a été arrêtée en compagnie de son mari et de leurs 4 enfants. La famille a été expulsée de Turquie après s'être rendue probablement en Syrie. À leur arrivée sur le sol français, ils ont tous été placés en garde à vue, Alain Rosali. Selon les premiers éléments de l'enquête, Anne Klein, son mari Mohamed Amri et leurs enfants étaient partis en Syrie en août 2015, probablement pour rejoindre les deux frères de la jeune femme, Jean-Michel et Fabien. Interpellés par les autorités turques en juillet dernier, soit 1 an plus tard à la frontière turco-syrienne, ils ont tous été placés en rétention. Mais ce n'est qu'hier soir et sous escorte que le couple et leurs 4 enfants sont transférés en France. Dès leur descente d'avion, ils ont été remis aux policiers de la DGSI, la Direction Générale de Sécurité Intérieure, pour être interrogés dans leurs locaux à Levallois-Perret. De source judiciaire, Anne Klein, son mari d'origine tunisienne, ainsi que le plus âgé de leurs enfants, un mineur de 16 ans, sont en garde à vue. Les 3 autres, mineurs également, ont pour leur part fait l'objet d'une mesure de placement. Alain Rosali, les enquêteurs espèrent obtenir des informations précieuses pour localiser les 2 frères qualifiés de très dangereux. Nous sommes contre l'intégration, nous sommes pour l'assimilation. Quand on devient français, nos ancêtres sont gaulois. Les propos de Nicolas Sarkozy continuent de susciter des réactions, notamment à La Réunion. La députée socialiste Monique Orphée, dans un communiqué, déclare « Contrairement à Nicolas Sarkozy, je suis pour une France qui intègre et non qui assimile, une France qui assume sa diversité et qui la respecte ». Fin de citation. Le PLR, le parti du Guedbello, estime que Nicolas Sarkozy veut que les Réunionnais oublient leurs origines. Et du côté du PCR, les déclarations de François Fillon et de Nicolas Sarkozy sont du même acabit. Yvan Dejean, le co-secrétaire général du Parti communiste réunionnais. Des propos qui sont blessants. Prenons le cas de M. Fillon lorsqu'il déclare par exemple que la colonisation est un partage de la culture française. Est-ce que le massacre en 1947 des 100 000 malgaches fait partie du partage culturel? On pourrait aussi lui poser la question de ce même acabit sur l'Afrique du Nord, en particulier l'Algérie ou le Vietnam. Ce sont des propos extrêmement blessants, même scandaleux. C'est M. Sarkozy qui considère que lorsqu'on est français, on est gaulois. C'est la diversion, mais en même temps, ça a créé un sentiment extrêmement négatif dans l'opinion, de violence, de haine, de division. Le peuple de La Réunion est constitué d'apports culturels différents. La Chine, Madagascar, les Comores, l'Europe. Nous, on renie personne qui ne demande pas, lui, de choisir entre nos ancêtres. Yvan Dejean, interrogé par Gaël Le Dantec. 6h36 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Les fermetures exceptionnelles sont devenues si fréquentes que la fermeture définitive passera peut-être comme une lettre à la poste. À Bois-de-Nèfle, à Saint-Denis, le bureau de poste va bientôt fermer. Raison, il coûte trop cher. Comme beaucoup d'établissements de campagne dans l'Hexagone, il coûte trop cher à la poste qui va donc proposer une alternative. Les opérations de courrier les plus courantes devraient bientôt être confiées à un commerçant du coin pour garder un lien avec la population, bien sûr. Les explications de Bruce Régent. Il y avait 3000 habitants il y a 25 ans et la poste était ouverte tous les jours. Et aujourd'hui, on est 7000 habitants et la poste ferme. Ludovic Sautron a toujours habité le quartier de Bois-de-Nèfle et s'étonne du projet de la direction de la poste. Elle se désengage des hauts, de l'île, puis veulent se centrer que sur les banques. Quelque part, ils abandonnent les gens les plus modestes. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir, rétorque le directeur régional de la poste. La fréquentation était en chute. Il fallait trouver un moyen de maintenir le service courrier. En le confiant à un commerçant du quartier, les habitants seront par exemple gagnants en plage horaire, selon Gilbert Calassibetta. Oui, il y aura une enseigne, un point de merchandising, il y aura toutes les offres en termes de courrier dans un bureau et on pourra faire les mêmes opérations. Principalement dépôt ou retrait de colis et de recommandés. Une source de revenus supplémentaires pour le commerçant choisi entre 500 et 1000 euros. À bien y penser, Ludovic et sa récente coopérative solidaire ne seraient pas contre. Oui, parce qu'en fait, ça nous ramènerait aussi des clients. Les gens viennent toujours parler, chercher des thèmes. C'est un lien de proximité. Mais à part le distributeur automatique, les activités bancaires disparaîtront. Un moyen radical de supprimer les files d'attente chaque début de mois ? Pas du tout. La fréquentation dans les jours de prestation va vous étonner. Elle est en diminution de 4%. Bien sûr, on a une population fragile et vulnérable à servir, mais cette population-là utilise aussi des moyens de paiement modernes. Ok, semblent donc répondre les habitants du quartier, plutôt favorables à l'idée, mais à condition alors que le gabier soit régulièrement alimenté. Bruce Régent et la direction de la Poste indiquent par ailleurs que ce système service postal dans un commerce sera aussi prochainement dans d'autres quartiers. Ils pourraient bien poursuivre leurs études en Allemagne. Hubert Debeu a rencontré hier des lycéens qui suivront cette année leur cursus dans un établissement récemment labellisé. Un label qui met en avant l'enseignement de l'allemand. Trois lycées sont concernés à La Réunion, celui de la Possession, Pierre Poivre à Saint-Joseph et Louis Payen à Saint-Paul. Alors à quoi ça sert ? Eh bien ça permet de faire passer aux élèves de terminale en section européenne allemand les épreuves écrites et orales du niveau 2 du diplôme allemand DSD. C'est un diplôme reconnu qui valorise la compétence linguistique et permet même de s'inscrire dans une université allemande sans avoir à passer un test de langue. Laura et Pauline sont toutes deux élèves en première au lycée Louis Payen. Elles ont choisi l'allemand en première langue et elles comptent bien obtenir l'an prochain le DSD2. La culture allemande m'intéressait beaucoup et puis je voulais un peu me démarquer des autres qui faisaient surtout espagnol. Ben moi c'est tout simplement parce que j'aime beaucoup cette langue et cette culture. Déjà depuis petite, je viens d'une famille alsacienne, donc j'étais déjà allée en Allemagne simplement dans la Schwarzwald et j'ai toujours été un petit peu dans cette culture avec la choucroute, etc. Ce qui fait que normalement ça m'a intéressée et puis j'entendais l'accent au téléphone qui est quelque peu différent mais qui se ressemble quand même. On sait déjà qu'en Allemagne ils sont très tournés vers les sciences et puis c'est en plus d'apprendre l'allemand parce qu'il y a tellement de personnes qui font espagnol comparé au nombre de personnes qui font allemand que je pense que c'est plutôt intéressant. La possibilité d'aller dans des facs allemandes. Personnellement, je ne sais pas encore, mais c'est envisageable. Laura et Pauline interrogées par Hubert Debeu. Merci Cécile. Merci, avec le micro c'est mieux. 6h50, les unes de la presse avec Cécile Thomas. 6h40, on fait un point météo tout de suite. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Je regarde. Bon, du gris, du soleil. Soleil gris. On peut le dire comme que ça. C'est le soleil, en tout cas, a du mal à percer les nuages dans l'Est. Entre Sainte-Marie et Saint-Philippe, en passant par Sainte-Rose, c'est là, pour le coup, un temps plutôt mitigé qui vous attend ce matin, même si les éclaircies vont revenir avec quelques petites averses par moment, entrecoupées, je vous l'ai dit, de périodes de ciel bleu, alors qu'à l'ouest, eh bien, rien de nouveau jusqu'à Saint-Pierre. Le ciel est plutôt dégagé, aussi bien sur les hauts que sur le littoral, ce qui va vous faire passer une agréable matinée avec des températures qui sont plutôt douces à l'ouest ce matin. Comptez 22 degrés là en ce moment sur Saint-Gilles ou une vingtaine de degrés à Saint-Pierre. Sur une grande partie ouest et sud-ouest donc de la Réunion, il fait plutôt doux de l'autre côté. C'est doux aussi, mais avec du vent, on ressent moins. 19 du côté de Sainte-Rose et 13 à la plaine des Palmistes. Les nuages vont s'imposer sur l'auteur de l'ouest cet après-midi. Le littoral retrouvera, lui, de belles éclaircies. L'impression de beau temps devrait revenir sur l'ensemble du littoral. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et vous êtes à la Balance de Saint-André. Oui, Pente-Safi, la sortie de la Cressonnière, ça roule à peu près correctement. Alors, sauf quand on suit les tracteurs, puisque ça y est, la campagne supérieure est repartie. Et donc, après deux jours d'arrêt d'interruption, c'est reparti. Voilà, donc tracteur et cachalot sur le réseau routier. Donc, pas trop de problèmes au niveau des échangeurs de Saint-André pour le moment. Ça s'est éloigné d'ailleurs de Saint-André, enfin, pour le début des ralentissements. Tout à l'heure, c'était après la Cocoterie, là c'est vraiment après petit bazar maintenant, donc attention donc en abordant ce secteur parce que la route reste glissante, hein, je rappelle, donc le soleil a fait son apparition parce que c'est dégagé en regardant vers le littoral, c'est vrai, ils sont bien bouchés sur les hauteurs et vers Saint-Trouve, là-bas il pleut encore certainement. Alors en ce qui concerne le reste du réseau, donc ça reste fluide encore pour le moment après les ouvrages des ravines charpentiers rivière Sainte-Marie à Sainte-Marie. Ensuite, la circulation donc côté ouest est ralentie, sortie de tunnel pour le moment, quelques petites zones chargées. En Vincent, c'est en fin de l'ouvrage, donc au niveau du feu de carrefour de Bellepierre. Et puis dans l'ouest, pas de changement, puisque c'est toujours à l'auteur de l'échangeur de Plateau Caillou. Voilà, ça y est, la rue haute a été rouverte à la circulation, hein, donc comme prévu hier dans l'après-midi. Vous pouvez de nouveau circuler à Saint-Leu après les fêtes de la Salette. Grand Matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Et notre émission ce matin, c'est réveiller Pixel. Ah, ça, c'est ça. C'est pas simple, hein. Réveiller Pixel, ça je peux vous le dire. Mais pourquoi qu'on réveille Pixel, Mickaël? Pourquoi? Pour parler de son album. Eh oui, et qui sort demain, le premier album solo de Pixel. Au départ, elle l'appelle comme ça. Un album plein de surprises dont on ne connaît toujours pas les titres. On connaît pas grand chose, hein, de l'album. Ouais. Tout ça est très mystérieux et Pixel nous dira pourquoi tout à l'heure. Et puis il nous parlera aussi de son duo avec Anouska. Bah oui, la gagnante de Kid Creole. Bah oui, cette chanson que vous entendez, vous avez entendu la première fois, la toute première fois sur Réunion Première. C'est normal. Et puis tu sais qu'il y a la deuxième saison, Isa aussi. Oui, qui arrive. Et oui, pouvez toujours vous inscrire pour le casting si vous avez jusqu'à 15 ans. C'est ça, et que vous avez du talent. Donc chers parents, vous aussi, vous entendez vos enfants souvent chanter. Voilà. Un peu, ils chantent vraiment, vraiment bien. Bah il faut les inscrire. www.kidcreole.re. Et pourquoi pas cette année un jeune homme qui l'emportera dans Kid Creole après la jeune fille, ouais. Anouska qui est bourrée de talent cette jeune fille, petite, ouais. Avec ce titre Mon Étoile, bientôt clippé, donc vous le verrez prochainement, ouais. sur Réunion Première, forcément, ce clip de Kid Creole. On va donc réveiller Pixel. Oui, avant on va essayer. Heure, hein. les unes de la presse, si elles arriveront. Et puis, on va maintenant parler du Lecce. Lecce, il est de retour. Lundi, parle-nous un peu de l'auto, le culte de la voiture. Là, ce coup-ci, place au bus. Et pauvre petit bus qui s'ouvre de beaucoup de clichés. Aujourd'hui s'achève la semaine de la mobilité. Est-ce que l'un d'entre vous a pris le bus ce matin? Le bus, ça tu vois comment ça il est? Le véhicule hissant à transpiration avec une climatisation dysfonctionnelle et que seules les personnes sans permis, personnes âgées et jeunes adolescents y prennent pour des places azotes. Oui, ça même le gros véhicule que Zati double à chaque fois d'aller derrière là. Dans l'inconscient collectif réunionnais, les transports en commun restent quand même le moyen de transport du pauvre. Nous y aime trop, nous l'auto et la liberté qu'il offre à nous. La liberté de rester bloqué dans l'embouteillage le plus souvent, mais liberté quand même. Et pour défendre l'idée de ne pas prendre les transports en commun, le Réunionnais trouvera toujours de bons arguments. Ben oui, l'arrêt local est à 500 mètres mon case, et quand il dépose à moi, il faut m'y marcher encore 5 minutes avant de trouver mon travail. Il y a une quantité de monde dedans, oui, il est serré, n'a jamais la place pour assise. A priori, pour qu'il y ait plus de monde qui prend les transports en commun à la Réunion, il faudrait que les bus y viendra pas Zot directement Zot case, à l'heure que Zot y veut, pour dépose à Zot devant Zot travail. Si il pouvait ne pas trop avoir de moon dedans, ça serait bien aussi. Moi, il appelle pas ça un bus, moi, il appelle ça un taxi. Par contre, quand il est en hexagone, le Réunionnais prend le bus avec le métro sans problème, il dérange pas les marchés, là. Limite, il kiffe les affaires. Pire, à l'île Maurice, ma trouve 2-3 créoles, ça t'y ferait pas 200 mètres pour aller à la boulangerie sans rentrer dans notre gros loto allemande. Mais à Maurice, ça t'y prend le bus. Il est tellement dépaysant, regarde le bonhomme, il vend de billets, nana, machine comme dans le temps longtemps. Et où la vie, il faut tirer sur la corde pour que le bus y arrête. Il est trop valable. Pendant ce temps, le ben collectivité La Réunion, il dépense même l'argent pour rendre le ben bus plus confortable. Mais jamais Zot y verra la couleur de ça, Zot. Vous me direz que les systèmes de transport en commun réunionnais ne sont pas aussi efficaces qu'en hexagone. C'est vrai, il y a encore des améliorations à faire. Mais on va dans le bon sens, non? Je veux dire, on finira bien par remplacer la gare routière provisoire de Saint-Denis, par exemple. Ah oui, parce qu'elle est provisoire, cette gare, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est une gare en préfabriqué avec des tentes et un conteneur en guise de toilette, ça peut pas être définitif. Si? Ah non, parce que là, ça fait quand même camp de réfugiés. Ah, c'est peut-être ça en fait. Ceux qui prennent le bus sont vraiment les parias de notre société. Ce sont les sans-papiers roses, les sans-permis. J'avais pas compris.

Alors on vous dit tout de suite, c'est très difficile de réveiller Pixel. Mais on a encore on a du courage. On n'a pas perdu l'espoir. On sait que c'est un artiste vaillant. Qui a du mal à se réveiller le matin. On en est pour l'instant à 24 essais. Oui, c'est voilà, ça. 24 essais plus 10 appels aussi de sa famille en même temps. Donc ça fait 34 essais. C'est ça. On va dire qu'on va filer le numéro à tout le monde. Comme ça, toute la réunion va l'appeler pour réveiller. Imagine Pixel. Quand Lisa le veille, Lisa garde son téléphone. C'est lui qui n'hésite pas. C'est pas facile. C'est pas facile. Allez, les unes de la presse, ça accessible le visage de Fabien Klein en une du quotidien. Oui, l'étau se resserre, écrit le quotidien. La sœur du djihadiste d'origine réunionnaise a été interpellée à Roissy. Autre titre, SHLMR, Jean-François Moser réclame 460 000 euros. Primaire à droite, Michel Fontaine rallie Nicolas Sarkozy. Blocage levé, gain de cause pour les planteurs, écrit le quotidien. Égalité réelle, les tops et les flops de la consultation numérique. Et puis, nouveau départ pour Pixel, l'artiste qui dort encore mais qui sort un album. Effectivement, demain, Jacques Chirac en une du journal de Lille. La France s'inquiète pour Chirac, titre le GIR. Les Réunionnais aussi, l'ancien président qui aime l'outre-mer s'est rendu au moins 9 fois dans l'île. Terrorisme, la sœur de Fabien Klein arrêtée à Roissy. Affaire Gauvin-Damal, la co-gérante du comité Miss Réunion, mise en examen. Et puis 2000 pieds de Zamal à la ravine des Cabris. Les policiers découvrent un laboratoire clandestin, écrit le GIR. Et dans la presse nationale, les entreprises face à la religion en une d'aujourd'hui en France. 65% des salariés français disent avoir observé des faits religieux sur leur lieu de travail, une réalité qui oblige les employeurs à s'adapter, écrit le journal. Autre titre, l'inquiétude grandit autour des Chirac. Et puis en football, Nice, la sensation de la rentrée. Nice qui a battu Monaco hier soir, 4-0. Avec un doublé de Balotelli, hein. Barack Obama en une du journal Le Monde. Photo prise lors de son dernier discours à l'Assemblée des Nations Unies à New York concernant la Syrie, constat d'impuissance de l'ONU, titre Le Monde. Barack Obama n'a eu que quelques mots sur la Syrie mardi dernier, alors que l'impasse diplomatique reste totale. Le bombardement d'un convoi humanitaire près d'Alep a réduit à néant l'espoir d'une prolongation de la trêve. Autre titre, primaire, 2 mois pour trancher les querelles idéologiques de la droite. Et le grand retour des frontières en Europe en une du Figaro. Le débat sur le contrôle des flux migratoires s'est imposé sur le continent et pèse sur les échéances électorales, commente le Figaro. Autre titre, en quête d'investisseurs, les entrepreneurs africains se retrouvent à Paris. L'influence de la fachosphère, titre Libération ce matin. Identitaire, catholique tradi, nationaliste, révolutionnaire, conspirationniste, ils ont envahi Internet et parviennent de plus en plus à s'immiscer dans le débat public, écrit Libé. Autre titre, à Calais, Sarkozy vante la solution bulldozer après le Karcher. Et puis Haro sur la tyrannie anti-gros, c'est en une de Libé ce matin. Et puis, on en parlait à l'instant, Mario Balotelli en une de l'équipe. Avec les compliments de Super Mario, titre le journal. On voit le joueur de foot faire un salut, une révérence hier avec Nice. Super Mario, auteur d'un doublé, l'a emporté 4-0 face à Monaco. Et puis, le feuilleton Ben Arfa continue. Emery lui dit, tu n'es pas Messi. Ah, ça casse. Ben Arfa qui, pour l'équipe, est passé de Paris à Paria. Oui. De Paris à Paria. On verra. Voilà, on verra. Ben Arfa. Peut-être qu'il fait ça aussi pour le rebooster au maximum et qu'il devienne Messi, qui sait. En plus, dur, c'est dur quand même. Hein. Plus Messi est blessé. Donc ouais. Ça tombe bien. Il pourrait donc occuper le devant de la scène, Ben Arfa. Pas sympathique ça. C'est pas gagné pour son retour à Paris. C'est pas gagné. Ouais. Merci Cécile. Michael, Isabelle. Est-ce que courage nous Néna? Oui, on a beaucoup de courage. Est-ce que la persévérance nous Néna? Bon allez, vous savez ce qu'on va faire, la réunion? On appelle depuis donc 40 fois Pixel. On va l'appeler en direct. Plus que ça. On va faire sonner en direct son téléphone. Si ça répond pas, on va persévérer jusqu'à 8h. Vous inquiétez bien sûr, pas. C'est notre défi là-dessus. De ce jeudi. Voilà, nous on garde l'espoir. Réveillez Pixel. Pixel le matin, c'est dur. Hein. Ouais. Bon, alors. En même temps, avait dit à nous. Hein. L'album Nouveau Départ sort vendredi. Notre coco est dur. Oui. Sort demain. C'est ça. Il y a le titre avec Anouchka dessus, Mon Étoile. Oui. Il y a Aléaou. On sait pas en fait. En fait s'il y a Aléaou, on sait pas. Ouais. Et il y aura musique aussi, musique que l'on passe. Ça oui. Alors. Sur première. Ça sonne. C'est déjà bien quand ça sonne, c'est que c'est mais pas éteint. Ça répond pas. Attends. Quand on tombe sur répondeur, on coupe. Hein. Ouais. Bon. Bonjour. Ah bah voilà, ça voilà. Y est, c'est bon. Ça fait 42 fois maintenant. 42 fois qu'on essaye. Moi, quelqu'un a dit bonjour, madame de la messagerie. C'est ça. Pixel. Mais nous va rappel à toi, madame de la messagerie. Voilà. Et t'inquiète pas, Pixel, on va te harceler toute la journée. Au moins jusqu'à 8 heures. Toute la matinée pour t'avoir. Pixel, ça donne ça. Elle a le cœur sur ma main et je ne vais plus vous l'attendre. Son amour est à nous, mais pas avant. Ils l'utilisent à tort, ils adorent s'en vanter. Ils ne savent plus à qui s'en prendre. Et ça, c'est musique à retrouver sur l'album demain, donc sorti dans toutes les Fnac de France et les Fnac de La Réunion et bien sûr les magasins Agora. Tout ça, exactement. C'est pour vous. Voilà. Et puis, il y aura le titre avec Anouchka, Anouchka aussi. Anouchka, en étoile. On va l'écouter. Oh, eh oui, on va l'écouter. Ça, c'est un beau cadeau. Pour le plus grand plaisir, la gagnante de Kid Créole saison 1 sur Réunion Première avec Pixel. Pixel en exclusivité sur Réunion Première. Écoute mon étoile avec Anouchka. Sois là où vont mes pas. Il me faut ta présence. Réponds-moi. J'ai cherché l'amour où il n'était pas. La clé de ma destinée dans ta poche. Je vois le mal où il n'est pas. Et tu m'aides à rester debout quand c'est dark. J'ai besoin des autres et peur d'être à part. Tu me permets de tenir quand je décroche. Je sais que tu es là quelque part. Si je te perds, c'est de ma faute. Car je combats mes démons. Rien n'est impossible. Et m'y connaît maintenant. M'y péconte s'il y. Je sais que je peux compter sur mon étoile. Je rêvais d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air, c'est pour la sur toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. Auprès de toi, ce chemin me paraît moins long. Et je sais, oui je sais, que je peux compter sur mon étoile. Je sais qu'elle sera toujours là. Juste là avec moi. Je sais que je peux compter sur mon étoile. Une chanson écrite pour le grand-père d'Anouchka, un talent découvert par Réunion Première et Kid Créole. Elle a tout juste 9 ans. Exactement. Et vous entendrez encore beaucoup parler, mais vous retiendrez que pour la première fois, vous l'avez entendu ici sur Première. Mais nous, les fans. Hein. Ah, nous, les fans. Les pronostics du Fouineur. Tiens, c'est écarté Quintet Plus aujourd'hui. Oui. Pour cet après-midi à Vincennes, le Fouineur qui vous conseille le 4, le 11, le 2, le 13, le 16, le 10, le 3 et le 6. 4, 11, 2, 13, 16, 10, 3 et 6. Votre quintet départ prévu à 15h47. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour. Total. Pixel Anouchka, mon étoile, Florent Marot, il adore, il est fan. Yves Rouillet, vous êtes fan aussi ? Absolument. Ouais, bah, absolument. Dès la première écoute, c'est vrai. À Bras-Panon, à côté des Grandes Vouves et à côté du marché où Prisca embrasse tout le monde ici, la circulation se fait correctement, donc avec un peu de problèmes en traversée de l'agglomération. Attention sur la 4 voies, parce qu'il y a une zone de rainurage encore assez importante, depuis Pagnandi en allant vers l'échangeur de Bras-Panon au centre. Et puis ensuite, il y a le problème avec la pluie, c'est que la peinture ne peut pas se faire sous la pluie, donc ce matin ça n'a pas pu être réalisé après les travaux d'enrobé, donc il y a une grande zone sans marquage, restez prudent. Circulation ralentie toujours depuis quartier français jusqu'au Jacques, après une zone roulante, après avoir trouvé un ralentissement en virage de la Jamaïque, actuellement à l'entrée Est, c'est en train de gonfler, le pont Vincennes est encombré, et sur la route du littoral, la circulation, ça y est, coince à la sortie de virage du gouffre, prudence à ce niveau. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Belle journée, les 7h sur la première. c'est l'heure du journal. Florent Marou, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Fin du conflit chez les planteurs de la CGPER. Les livraisons reprennent ce matin au Gol et à Bois-Rouge. Les manifestants ont finalement obtenu gain de cause. Tard hier soir, ils auront les aides promises au plus tard le 15 octobre. L'État a débloqué une enveloppe d'1 700 000 euros. Une histoire de gros sous, justement. Voilà comment Thierry Robert qualifie ce qui se passe en ce moment autour de la carrière de Bois Blanc. Le maire de Saint-Leu est en colère. Il faut arrêter de dire que Thierry Robert empêche de faire la carrière de Bois Blanc, parce qu'en clair, la carrière de Bois Blanc n'est plus utile. Inutile, tout simplement, parce qu'il y aurait déjà assez de roches pour la nouvelle route du littoral. Inutile, mais surtout trop cher, le bureau de poste de Bois de Neuf, la Saint-Denis, va fermer ses portes définitivement. Les opérations les plus courantes devraient bientôt être confiées à un commerçant du coin. Un appel à candidature a été lancé. Et puis en sport, c'est une page qui se tourne pour le rugby réunionnais. Armand Coupou vient de perdre son fauteuil de président du comité. Son successeur, Daniel Blondy, il promet une nouvelle méthode de travail. Mais d'abord, l'hôpital d'enfants de Saint-Denis ouvrira ses portes au public jeudi prochain. C'est une première. L'objectif pour l'établissement privé, géré par l'association Saint-François d'Assise, c'est de faire découvrir l'établissement qui a subi plusieurs modifications. Depuis 2006, la structure est dédiée aux soins de suite et de réadaptation pédiatrique. Petite visite en avant-première avec Johan Adamadorassi. Midi, l'heure du repas pour les patients de l'hôpital d'enfants. Une dizaine de petits malades a pris place dans le réfectoire, encadrés par des infirmières et des auxiliaires de puériculture. Chacun s'applique à manger. Le menu, c'est Famia, grande brûlée de 4 ans qui noue le livre. J'en fais la viande et du poulet. Face à elle, Fadil, lui, a du mal à parler, incommodé par une trachéotomie. Comment ça se passe dans l'hôpital des enfants ? Bien, mais j'aimerais bien être toi, rentrer chez moi. Tu aimerais rentrer chez toi ? Oui. Pourquoi ? Pour voir mes frères et mes soeurs. Ah, tu veux voir ta famille ? Mais on s'occupe bien de toi ici, non ? Ouais. Difficile pour certains patients de vivre séparés de leur famille. Pour les distraire, ils font des activités et suivent même des cours. Sylvain Batty est le directeur de l'hôpital. Nous disposons de 3 enseignants détachés du rectorat pour assurer la scolarisation des enfants hospitalisés au long cours ou qui n'ont pas pu, parce qu'ils sont en hôpital de jour, trouver une école dans laquelle ils puissent recevoir un enseignement en milieu ordinaire. Yasmine, 6 ans, en apporte la preuve. Qu'est-ce que tu as appris ici ? À lire. Tu es en train d'apprendre ? Ouais. Et c'est chouette alors ? Ouais. Tous ces enfants ont été orientés par le CHU Réunion et d'autres établissements de santé, y compris de Mayotte. L'objectif pour l'équipe, les rendre autonomes pour une réintégration progressive auprès de leur entourage. La journée porte ouverte à l'hôpital d'enfants de Saint-Denis, c'est jeudi prochain, le 29 septembre. La structure accueillera le public à partir de 14h au programme visite de l'hôpital et inauguration de l'espace des usagers et des associations. Blocage terminé autour des usines du Gol et de Bois-Rouge. La campagne sucrière reprend normalement ce matin. Les planteurs de la CGPER ont finalement obtenu gain de cause tard hier soir après 3 jours de conflit. Ils réclamaient le versement immédiat des aides de l'État. L'État qui a débloqué une enveloppe d'1 700 000 euros. Les précisions de Jean-Bernard Gontier, le président de la Chambre d'agriculture, étaient en direct dans le journal de 6h. Ce qu'on a obtenu, c'est que l'aide à la production soit versée à partir du 1er octobre. Que le solde de l'ICHN de 2015 soit aussi versé à partir du 15 octobre et qu'on aura aussi à partir du 15 octobre l'ICHN de 2016, mais une avance sur l'ICHN de 2013 entre 80-90% de l'ICHN de 2016. Et la campagne reprend ce matin ? La campagne redémarre ce matin, là je suis déjà sur les plateformes, là on est en train de refaire l'organisation pour la reprise des livraisons. Jean-Bernard Gontier, le président de la Chambre d'agriculture. L'enjeu serait purement économique. Thierry Robert, député maire de Saint-Leu et chef de file du LPA, a remis en cause hier l'intérêt public du projet de carrière à Bois Blanc. Selon lui, il s'agit avant tout d'une guerre de multinationales, puisqu'il y aurait déjà assez de roches pour le chantier de la nouvelle route du littoral. Concrètement, la SCPR et le groupe Colas continueraient de faire le forcing pour garder le marché et écarter un concurrent, NGE, qui exploite déjà 2 carrières. Thierry Robert, lui, ne décolère pas. Dans un article, une publicité que la SCPR a bien voulu se payer il y a quelque temps, cette société dit bien qu'en termes de besoins en roches massives, d'ici 2017, c'est 3,8 millions de tonnes. Or, sur la carrière de Bois Blanc, ils veulent prélever 9 millions de tonnes. Donc la question est, à quoi va servir quasiment les 5 millions restantes ? Et quand le préfet dit « je veux prendre un pig », Mais l'intérêt général, elle est où? Sachant que avec la carrière de l'Ermitage à Saint-André, la carrière de Dioré et les Andins, nous avons atteint largement le quota. Thierry Robert, député maire de Saint-Leu et président du LPA, interrogé par Pierre Comorassamy. Le sénateur maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, a choisi son candidat pour la primaire de la droite et du centre de novembre prochain. Ce sera Nicolas Sarkozy. Il l'a annoncé hier soir face à ses militants en expliquant son choix. Selon lui, Nicolas Sarkozy est l'homme de la situation. On en reparle après ce journal avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Béatrice Sigismaud, la secrétaire départementale du parti Les Républicains. 7h06 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Et direction Saint-Denis, dans le quartier de Bois-de-Nèfle. Là-bas, le bureau de poste va prochainement fermer ses portes définitivement. Comme beaucoup d'établissements de campagne dans l'Hexagone, il coûte trop cher à la poste. Elle va donc proposer une alternative pour maintenir son activité courrier. Les opérations les plus courantes seront confiées à un commerçant du coin. Un appel à candidature a été lancé. Une façon d'assurer le service public en réduisant les coûts. Les précisions de Gilbert Calasibetta, le directeur régional de la poste. Il n'y a pas assez de fréquentation. Donc c'est vrai que les horaires d'ouverture de ce bureau sont plutôt en réduction. C'est pas l'histoire de la poule et l'œuf, c'est l'histoire que quand vous avez un service de proximité peu ou pas assez fréquenté, vous avez des charges d'exploitation. Le service public, il n'a pas de prix, mais il a aussi un coût, et il faut bien aussi le regarder. On l'a compris, il y a beaucoup de gens qui viennent à la poste uniquement en début de mois pour faire des retraits au guichet. Oui, mais vous pouvez faire le retrait aussi sur le distributeur automatique. L'idée, c'est d'inciter à l'usage de la carte bancaire. Ben, c'est des cartes de retrait, il faut bien les utiliser. Après, vous avez d'autres services distants pour avoir des conseils. Et c'est bien aussi les habitudes des consommateurs. Gilbert Calasibetta, directeur régional de La Poste, au micro Réunion Première de Bruce Régent. On passe au sport avec du changement dans le petit monde du rugby réunionnais. Armand Coupou, jusque-là président du comité régional, a été battu lors des dernières élections. Son successeur s'appelle Daniel Blondy, ancien vice-président. Il a obtenu 55 voix contre 22 pour Armand Coupou. Daniel Blondy qui affirme vouloir mettre en place une nouvelle méthode de travail pour n'oublier personne. Faire cohabiter le rugby à 15 et le rugby à 7, ça c'est une de nos priorités. On a besoin encore de développer au niveau des jeunes. Et puis surtout, on a besoin de sécuriser nos clubs. On a nos clubs qui sont... On a fait une tournée, on s'aperçoit que nos clubs sont un peu en faillite financière et puis dans l'organisation, on a des clubs qui sont fragiles. Et là, on sera très près d'eux. Donc je leur ai promis de venir les rencontrer souvent, notamment ceux qui ont besoin de nous. On est en train de travailler sur une compétition féminine océan Indien. On est peut-être aussi dans un championnat qui irait au-delà de notre île. On a des pistes, on a des idées, on est en train de travailler dessus. Au début 2017, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Daniel Blondy, nouveau président du comité régional de rugby, interrogé par Johnny Lérivin et Rodolfo Ozanne. En football, on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe régionale de France. La Saint-Pierroise affrontera la SC Grandbois dans un derby qui s'annonce très chaud. Et dans l'autre rencontre, l'Excelsior sera opposé à la Sainte-Suzanne. Des rencontres qui se joueront le week-end des 8 et 9 octobre sur terrain neutre. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on commence ce matin, Anne-Charlotte Costabadi, avec la France qui vend 36 Rafales. Une commande record pour la France. Après 9 ans de rebondissement, l'Inde achète finalement 36 Rafales pour environ 7 milliards 800 millions d'euros. C'est la plus grosse commande d'avions de combat français pour l'export. Ils seront produits par Dassault en France. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, part signer le contrat en Inde demain. Décidément, ça se passe bien pour le secteur aéronautique. Autre bonne nouvelle, un nouveau pas et vers l'ouverture de l'Iran. Les États-Unis ont donné leur accord. Airbus et Boeing vont vendre donc des avions neufs. Les avionneurs européens et américains avaient déjà des préaccords de plusieurs milliards d'euros avec Téhéran, mais ils devaient obtenir une licence spéciale qui dépend des États-Unis. Ça y est, c'est fait. Fin janvier, l'Iran et l'européen Airbus, dont le siège est près de Toulouse, avaient signé un protocole d'accord pour 118 appareils, des moyens courriers à 320 et des longs courriers à 330, montant de 10 à 11 milliards de dollars. Un manifestant tué cette nuit à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. C'est la deuxième deuxième nuit de violence après la mort d'un homme noir tué par un policier avant-hier. Ce manifestant tué par balle cette nuit par des civils et non des policiers, assure la mairie de Charlotte. La police n'aurait pas ouvert le feu face aux centaines de personnes venues dénoncer cette bavure. Au moins 42 migrants ont trouvé la mort en mer Méditerranée hier près des côtes égyptiennes. L'embarcation qui transportait plusieurs centaines de personnes a fait naufrage. 163 personnes ont été secourues. Le meeting de Nicolas Sarkozy à Marcq-en-Barœul hier dans le Nord, perturbé par des étudiants gabonais. Il l'accuse d'avoir favorisé le maintien au pouvoir d'Ali Bongo au moment où il était président. Le candidat de la primaire de la droite et du centre a lancé devant un millier de partisans, je cite, « Ici c'est la France, c'est pas le Gabon. Si vous voulez parler du Gabon, retournez-y. » Les étudiants ont ensuite été expulsés. Ils voulaient faire le buzz, ça pourrait leur coûter très cher. Deux adolescents mis en examen et placés en foyer éducatif après la fausse alerte attentat ce week-end dans le centre de Paris. Dylan, 16 ans, arrêté lundi dans la Marne et qui avait reconnu les faits en garde à vue. Également l'adolescent de 14 ans arrêté en Lozère. Le garçon de 17 ans a été relâché et les deux premiers sont poursuivis pour appel téléphonique malveillant et non dénonciation de crimes imaginaires. La famille du couple Chirac appelle au respect de leur tranquillité. Bernadette Chirac, à son tour hospitalisée hier à Paris pour, je cite, souffler un peu. La femme de Jacques Chirac serait épuisée, selon ses proches, après l'hospitalisation de l'ancien chef de l'État ce week-end pour une infection pulmonaire. En football, 6e journée de Ligue 1 hier soir, 8 matchs et Nice qui prend la tête du classement. Après sa victoire éclatante contre Monaco 4-0, Lyon a écrasé Montpellier 5-1. Bordeaux s'impose à Angers 3-0. Angers vainqueur de Caen 2-1. Guingamp 1, Lorient 0. Rennes s'est imposé aussi face à Marseille 3-2 et puis 0-0 pour Bastia-Nancy et Nantes-Saint-Etienne. Déjà 7h12 sur la première. Et le ciel, Mickaël, joue avec les couleurs. Avec des touches de gris, hein, notamment sur les hauteurs de l'Est, les plaines de l'Est, la plaine des Palmistes, la région de Brapanon aussi. Et puis entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, ailleurs, le soleil tente de s'imposer et va bien s'imposer. D'ailleurs, dans le courant de la matinée, le ciel est bien dégagé. C'est l'après-midi hein, que les nuages vont se former, surtout sur le relief de la Possession à Saint-Denis. Et puis déborder globalement sur ce littoral ailleurs, et bien l'impression de beau temps va dominer. Retour normalement du soleil dans l'Est avec des températures et qui montent un peu plus que ces derniers jours. 27 degrés sur la côte ouest attendue. Ailleurs, ça sera une moyenne de 25 degrés, puis 18 à 19 au volcan et 20 à 21 degrés dans les cirques. Très peu de vent aujourd'hui, 50 km/h environ hein, sur le sud et le nord. Et une mer qui est donc peu agitée à agiter, sauf dans l'est où il y aura une petite houle. Le point route, Yves, il y aurait une chute de pierre au niveau de la route de Takamaka. Oui, alors il y a une équipe qui est partie, hein, donc moi je suis sur la partie basse de cette route de Takamaka parce qu'il y a un chantier qui se déroule à ce niveau. Donc une équipe est partie en bout, hein, parce que là où les chutes de pierre généralement se produisent, eh bien c'est vers le 12e, 13e, 14e kilomètre, donc à l'extrémité, là où il y a pratiquement bon, il y a plus grand monde de toute façon, et puis il y a la centrale EDF de Takamaka, bien entendu. Donc voilà, il y a assez peu de gens. Forcément, c'est une route qui est plus une route touristique, en tout cas pour ceux qui viennent découvrir ce site. Voilà, la circulation avec un peu de monde, forcément ici en partie basse de la route de Takamaka, et donc je rappelle ce chantier. Aménagement de sécurité donc pour un cheminement piéton et puis on en profite pour faire un réseau d'eau pluviale efficace. Voilà, donc la circulation peut se faire avec de l'alternat. Là on vous laisse tranquille encore à cette heure-ci parce que c'est l'heure de pointe. Et puis ensuite il y a de l'alternat et ça se met en place à partir de 8h. Chantier prévu jusqu'à mi-octobre à peu près ici pour finir ces travaux. La circulation correcte de Saint-Benoît, alors un petit peu de monde en extrémité, hein, de 80 vers l'échangeur de Beaulieu. Pour la partie est Sainte-Marie, ben, ça ralentit depuis la sortie de Sainte-Suzanne, enfin au moins à Sainte-Suzanne. Et jusqu'à Saint-Denis, hein, la jonction est faite. Entrée ouest, c'est toujours au virage du groupe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pas trop de monde sur la route du littoral. Ah bah c'est bien. On vient de s'en encombrer. Dans l'ouest, c'est resté également. Bonne nouvelle. Genre de plateau caillou. Merci Yves. À suivre deux missions. Une pour nous. Oui. La mission, c'est réveiller Pixel. Celle-là, elle n'est pas gagnée. Avant 8h pour parler de son album qui sort demain dans les bacs. Oui. Et dans toutes les FNAC de France et de La Réunion. Oui. Et puis, la mission, votre mission, l'autre mission, bah, c'est de poster votre photo de petit déjeuner. Eh oui, puisqu'elle peut vous rapporter des invitations pour aller au cinéma, mais surtout tout participer au grand tirage au sort de demain. Une photo, le petit-déj, tout ça sur la page Facebook de Grand Matin. Et on se dépêche et reste, oh allez, petite demi-heure, pas ouais, plus. Hein. Pas plus. Hein, donc il faut y aller. À suivre aussi Béatrice Sigismond, secrétaire départementale du Parti Les Républicains, qui sera l'invité de Philippe Dornier. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche de l'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier du lundi au jeudi dès 12h15 sur Réunion Première. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kalougang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Héritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kalougang.re. Et il est 7h16 sur Réunion Première. Vous nous suivez sur internet réunion.lapremière.fr. C'est l'heure de l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Et vous accueillez ce matin Béatrice Sigismond, secrétaire départementale du Parti Les Républicains. Béatrice Sigismond, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. La campagne officielle démarre tout juste pour la primaire de la droite et du centre. Le coup d'envoi a été donné hier. Alors il y a 7 candidats sur la ligne de départ. Lequel vous soutenez ? Écoutez, je suis secrétaire départementale. J'ai pris le relais avec le sénateur maire Michel Fontaine, qui est président des Républicains. Et donc, je suis vraiment dans une posture de neutralité. C'était sa posture également. Il est président départemental. C'est lui qui organise. Qu'est-ce qui justifie que vous restiez neutre, finalement, puisqu'il lui sort du bois ? Je dirais que... Il était donc dans cette posture de neutralité parce que la secrétaire départementale n'était pas encore nommée. Aujourd'hui que la secrétaire départementale est nommée, moi-même, donc lui, il peut se permettre aujourd'hui d'être, en tant que président des Républicains de la Réunion, se positionner et donc je prends les relais dans la neutralité pour l'organisation de ces primaires ouvertes. Et vous pensez que les statuts du parti vous empêchent de vous prononcer pour tel ou tel prétendant ? Je me prononcerai de toute façon le 20 et le 27 dans les urnes, mais pour l'organisation de ces primaires, je me dois d'être dans la neutralité. Le parti vous a donc choisi comme secrétaire départemental. C'est un poste à haut risque chez les Républicains. On se souvient de la démission de David Laverdun. Yves Ferrière avait lui été remercié. Vous avez dû y penser quand on vous a nommé. Écoutez, je suis dans une famille politique où je me sens tout à fait libre. Je travaille avec l'ensemble des élus du Parti Républicain local, avec la Fédération nationale, avec le président donc de la Réunion. Et je suis une militante. Je viens d'une famille gaulliste. J'ai baigné dans cette famille politique et je me sens tout à fait libre en partageant donc des idées, en étant militante et en rapport aussi avec les militants de la Réunion. J'ai connu les anciens SD. Et j'allais vous dire, j'ai l'impression de les entendre là, David Laverdun, Yves Ferrière, c'est exactement le même discours qu'ils tenaient. Oui. Ils se sentaient libres et puis au bout du bout, ils ont dû quitter le poste. Écoutez, moi, j'ai pas de jugement à porter ni pour Yves Ferrière et ni pour David Laverdun, puisque j'ai travaillé moi-même avec eux en tant que secrétaire départementale adjointe. Donc vous savez ce qui a pas marché pour qu'ils puissent pas aller au bout de la mission. Après, je dirais que ça dépend aussi des ambitions personnelles. Ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui est engagé en politique, qui est militant avant tout et qui n'a pas de prétention et qui ne vise pas des choses bien précises. Je vais rappeler que vous êtes 6e vice-présidente du département, oui. Chargée de la culture et du sport. Vous êtes également 6e adjointe au maire de Saint-Pierre, déléguée à la politique sportive. Donc, vous êtes déjà engagée. C'est ça qui vous fait penser que vous avez davantage de stabilité que vos prédécesseurs qui, eux, pouvaient s'engager dans des campagnes alors que là, vous êtes déjà en poste ? Très certainement. Ça joue beaucoup. Il y a eu des prises de responsabilité successives qui fait qu'aujourd'hui, je vis cette stabilité et cette liberté au sein de ma famille politique. Mais j'allais vous demander quel réel pouvoir vous avez en tant que secrétaire départemental, sur quoi vous pouvez influer ? Alors, j'ai surtout des missions c'est des missions de faire le lien entre la Fédération nationale. Ce qui a souvent été compliqué. Qui est compliqué, peut-être, vous le voyez comme ça, mais je dirais qu'on a une Fédération nationale et on a aussi donc un ensemble d'élus qui sont mis en place au niveau de la Réunion, et on a apporté aussi la vision de la politique des Outre-mer et de la Réunion. C'est ce qui a expliqué les déchirements entre Didier Robert et Jean-Paul Virapoulet pendant longtemps. Paris commande pas nous, on se souvient de ça. Est-ce que c'est toujours ce discours à l'ordre du jour? Est-ce que vous demandez davantage de marge de main devant? En tout cas, moi, personnellement... De marge de manœuvre, pardon. De marge de manœuvre. je dirais que au sein de notre famille républicaine, c'est de la concertation, c'est de la discussion, et c'est bien faire passer le message par rapport à la vision de notre île, la Réunion, par rapport à ses besoins par rapport à notre jeunesse qui est en augmentation. 8000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, et 3500 postes sont créés au niveau économique. Ce sont des messages forts qu'on doit faire passer, et puis, il y a d'autres thèmes aussi. Hein. Il y a l'agriculture, le développement de l'agriculture, le développement économique et touristique. Enfin, il y a des points forts comme ça que l'on doit défendre au sein de notre parti et faire en sorte qu'on prenne en compte le développement de la Réunion et les besoins de la population réunionnaise, parce qu'on sait qu'on est quand même sous un fort taux de chômage et que notre population augmente. C'est marrant parce que l'agriculture, le chômage, c'est pas franchement les thèmes qu'on entend dans la voix de Nicolas Sarkozy en ce moment. On entend parler que d'identité. Il ne jure que par les Gaulois. C'est aussi votre vision de l'histoire de France? Écoutez, il y a l'histoire de France et il y a aussi l'histoire de chaque citoyen. À La Réunion, on a chacun notre métissage, notre origine. Quand on regarde un petit peu sur notre origine, l'origine de notre famille, on voit que il y a un métissage, il y a des apports venant de l'Inde, de l'Afrique. Bref, on voit que nos ancêtres ne sont pas gaulois. Mais nos ancêtres ne sont pas gaulois, mais on est fiers d'être sur un territoire français, on est fiers d'être français, et on se doit aussi d'aimer notre patrie et d'aimer l'histoire de notre patrie. De l'assimiler et pas de l'intégrer, c'est ça? Écoutez... Est-ce que c'est valable à La Réunion, ce discours? Ce discours à La Réunion, c'est... je pense qu'on est tous fiers d'être français. On est tous fiers d'être français, mais on est fiers aussi d'être réunionnais et d'avoir notre identité. Donc vous comprenez que cette phrase, elle est plus blessée? On ne la sort pas de son contexte. Hein. Il a bien dit que ce sont nos ancêtres sont gaulois, dès qu'on est français. Mais c'est-à-dire que dès qu'on est français, on se doit aussi de respecter l'histoire de la France. Une question aussi sur François Fillon, qui lui considère que la France a colonisé quand elle a colonisé certains territoires, la France, elle a partagé sa culture. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes précisément chargé de la culture au département? Alors, c'est vrai que sur cette histoire de colonisation, il faut faire très attention parce que c'est tout de même nos racines, notre identité, notre culture. Et lorsqu'on parle de ce sujet, il faut faire très attention de ne pas heurter les sensibilités et les origines, par exemple, des Réunionnais et l'histoire de chaque, je dirais, chaque Français qui ont des origines et qui ont vécu aussi des souffrances à travers le colonialisme. Je disais que vous êtes sixième adjointe chargée des sports à la mairie de Saint-Pierre. Du sport, il va y en avoir pendant cette primaire de la droite et du centre, notamment si finalement c'est Alain Juppé qui l'emporte. Comment vous imaginez le regroupement de tous les sarkozystes d'aujourd'hui vers ce candidat s'il l'emportait le 27 novembre? Il y a quand même une charte qui est mise en place. Il y a 7 candidats qui sont en liste. Les électeurs vont faire leur choix. Et je pense que celui qui sera en tête sera notre champion et tout le monde devra s'unir derrière ce candidat qui sera en tête, ce champion, pour mettre en place une grande alternative en 2017 face à la politique de Hollande qui nous fait quand même beaucoup souffrir. Celle de Nicolas Sarkozy a été jugée trop dure pour les Réunionnais aussi en 2012. Il a quand même pris une sévère claque. Presque 72% des Réunionnais ont dit non à Nicolas Sarkozy il y a maintenant 5 ans. Vous pensez qu'ils ont oublié ça ? Moi, je pense que les Réunionnais, comme tous les Français, ont bien entendu les messages donc de François Hollande quand il a dit « moi président, je vais changer le monde ». Et au final, on se rend compte que face à la politique de Nicolas Sarkozy, les promesses ou les rêves vendus par François Hollande nous coûtent très cher. Il y a la tentation de l'extrême chez les Français, on le sait, on le voit dans les sondages. Est-ce que c'est en tenant le discours identitaire dont on parlait tout à l'heure chez Nicolas Sarkozy qu'on va éviter ce risque Front National pour ceux qui considèrent que c'est un risque ? Les extrêmes, c'est toujours dangereux. Et je pense que lorsqu'on est dans une famille politique, il y a des moments difficiles à passer, mais lorsque on est bien dans sa famille, on arrive à surmonter les difficultés et à ce moment-là, on arrive quand même à avancer. Donc, moi, je passe ce message de prudence par rapport aux extrêmes et de croire en l'avenir et de ne pas se laisser encore emporter dans des situations difficiles par rapport aux extrêmes. Béatrice Sigismond, merci d'avoir été l'invitée de Réunion Première ce matin. Bonne journée. Merci à vous aussi. Béatrice Sigismond, secrétaire départementale du parti Les Républicains. Une interview retrouvée à 13h30. Première. Attention, prudence automobiliste, il y a eu un accident entre Saint-Denis et Sainte-Marie. Entre une moto et un poids lourd, on prend des nouvelles du trafic dans un instant avec Yves Gruyer, Mickaël. Beaucoup de courage. Voici Morane, en souvenir. Toutes les mamas sur Première, excellent début de journée avec nous. Vous êtes sur Première, vous y êtes depuis 5 heures. Eh bien, il restez-y. Bien. Oui. Jusqu'à... Les Antilles d'Afrique ou de Cuba ont de l'or dans la voie tout. Au soleil, sous des paniers d'ananas, toutes les mamas ont des boubous de toutes les couleurs et des colliers de flots, toutes les mamas. C'est un feu d'artifice en plein jour. Toutes les mamas, allons sur les routes avec Yves. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et Yves, des nouvelles de cet accident entre une moto et un poids lourd au niveau du rond-point Futura. Une communication qui m'est arrivée de l'illustre fille. Enfin, de la fille de l'illustre Philippe Dornier, donc excellente, la fille de son père. Hein. Donc des informations donc qui nous arrivaient donc de cette voiture. Donc c'est un accident moto-voiture en direction de Sainte-Marie, donc sur la partie montante hein, de ce giratoire Vladimir Sirobiatnikov en bas de la route du Bois de Nèfle. Le motard était à terre, mais il discutait avec quelqu'un, donc il est conscient certainement une circulation perturbée sur la montée depuis Champfleury et également dans l'autre sens dû à la curiosité, mais enfin dû également aux embouteillages traditionnels qui se font avant ce rond-point, avant de descendre vers Champfleury et le rond-point Digue. Donc prudence, bien entendu, en attendant que la circulation puisse être rétablie avec la présence également des secours qui ont dû arriver sur place. Attention, puisqu'un peu plus haut, il y avait également une intervention chemin Ilan-Ilan. Donc là, ça concerne un quartier de Saint-Denis sur le terrain du Moufien avec les pompiers qui intervenaient sur un feu de broussailles. Donc, chaussée réduite, toujours une information de Mademoiselle Dornier. En ce qui concerne le trafic, c'est ralenti ici en fin de 4 voies à Saint-Benoît juste avant Bourbier, ça coince également sur la partie basse de la route des Plaines. On a la confirmation qu'il y a bien eu chute de pierre mais vraiment à l'extrémité de la route du Tecamaca, donc pas très loin de la centrale EDF, la centrale hydraulique. Circulation donc toujours chargée en provenance de l'Est, donc pas de changement. Pas de changement non plus pour l'Ouest, toujours les changements de plateau Caillou et virage du gauche sur la route du littoral. Attention par contre, ça ralentit un peu plus entre le Grand Fonds. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. 7h31 sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Lutter contre le chômage de longue durée, c'est l'objectif d'une loi qui est pourtant peu utilisée. Pas d'appel à projet à La Réunion, alors que ce serait possible selon Jean-Hugues Gratenon. Nous entendrons ses propositions. Un témoignage dans ce journal, celui de Roselyne qui prend soin de sa maman, Marie-Ange. Marie-Ange atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pas assez rentable pour la direction, jamais ouverte pour les usagers. Le bureau de poste de Bois de Nèfle à Saint-Denis va fermer, mais le courrier sera pris en charge par un commerçant du quartier. Et puis à Mayotte, on adopte la fraîche attitude. Journée de présentation hier pour changer quelques mauvaises habitudes dans la cuisine mahoraise. Reprise de la campagne sucrière aujourd'hui, les planteurs de la CGPER ont levé leur barrage devant les usines de bois rouge et du Gol. Ils ont obtenu gain de cause auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt. Les aides dues depuis plusieurs mois vont être versées, en tout cas en partie très prochainement. La situation s'est débloquée à l'issue d'une réunion interministérielle à Paris. La nouvelle est donc tombée très tard, après 22h hier. 1,7 million d'euros seront bien versés aux agriculteurs pays prochainement. 200 à 250 emplois en contrat à durée indéterminée, non créés, une opportunité pas saisie. Jean-Hugues Gratenon interpelle le sous-préfet de Saint-Pierre. Pourquoi la loi territoire zéro chômage de longue durée n'est pas utilisée dans notre île? Cette loi est expérimentée dans 10 territoires dits volontaires. Il s'agit d'une expérimentation pour résorber le chômage de longue durée. Elle s'appuie sur des appels à projets et pour l'instant, le texte n'est pas vraiment utilisé. Jean-Hugues Gratenon s'étonne que les élus ne soient pas saisis de cette opportunité. À l'heure d'aujourd'hui, à notre connaissance, aucun projet n'a été déposé sur le territoire de La Réunion, et notamment concernant le Sud, puisqu'il a plus parlé spécifiquement du Sud. Et pourtant, ce n'est pas des exemples de projets qu'on peut monter qui montent. On a cité la plaine des Palmiers autour du Goyavier, Saint-Philippe autour du Vacquois, Sillaos autour de la Broderie et les Raisins, à Salazie autour des coups d'eau douce, la richesse des coups d'eau douce, mais aussi les tresses de chouchou, la filière bambou. Il y a tellement d'exemples de filières qu'on peut développer à La Réunion. Et le discours de la plupart des élus, c'est la priorité des grandes priorités, c'est le chômage. Et là, vous avez la possibilité de donner des CDI à 250 personnes. C'est le silence complet. Rien n'est fait. C'est inquiétant pour l'avenir de notre pays. Jean-Hugues Gratenon de Résistance Égalité 974 répondait à Pierre Komorasami. Retour ce matin sur la maladie d'Alzheimer. C'était hier la journée mondiale, mais plusieurs rendez-vous sont encore prévus, notamment le week-end prochain, pour parler de la maladie. Cette année, le rôle des aidants a été mis en avant. Les proches qui consacrent une grande partie de leur temps et de leur énergie auprès d'un proche ou d'un parent malade. Un investissement qui les épuise, surtout s'ils mènent en parallèle une activité professionnelle. Nadine Bachelot a rencontré Roselyne Maillot. Elle s'occupe de sa mère, Marie-Ange, touchée par la maladie. Marie-Ange a 86 ans et depuis 2000, elle a la mémoire qui faiblit et la vie qui s'efface. Mais la maladie gagne du terrain, ce qui a nécessité son placement en institution depuis 2 ans. Pour sa fille Roselyne, il est hors de question d'abandonner sa mère. Elle a même tout sacrifié un moment pour aller vivre chez l'octogénaire. C'était pas simple parce que j'ai dû abandonner mon couple, ma famille, donc mes petits-enfants, pour être avec elle pendant un an. Mais c'est vrai que ça m'a apporté tellement de belles choses, beaucoup de prise de conscience de ce que c'est vraiment qu'une maman. Donc du coup, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Mais c'était vraiment, j'avoue, difficile. Il a fallu beaucoup de courage à Roselyne pour affronter la maladie de sa mère et elle en parle sans tabou. Ça a été une terrible souffrance pour moi. J'avais beaucoup de mal à accepter parce qu'on avait encore beaucoup de choses à partager.

Non, Boris, on ne mange pas les frites crues. Ça, c'est pas bon. Des propos recueillis par nos confrères de Mayotte Première. Après Mayotte, direction Paris ? On peut aller à Paris ? Où se tient, allez, pourquoi se... pas ouais. Allez, on se tient le salon des professionnels du tourisme. Vous savez, le Top Reza, c'est l'occasion pour eux de se faire remarquer par les agences de voyage et de vendre l'image du territoire. Les Outre-mer ont leur carte à jouer, bien sûr. Et on sait que la France hexagonale est une destination touristique très prisée. Erika Barret, je souhaite que les Outre-mer soient représentés dans un ensemble avec les atouts métropolitains pour qu'ils soient plus visibles à l'étranger. Aujourd'hui, le tourisme représente à peu près 10% de création de richesses dans les territoires ultramarins, tout confondu. Ce qui est pas mal, mais qui est bien en dessous de ce que nous pouvons faire. Nous pouvons poser une nouvelle ambition pour les territoires et les départements d'outre-mer. On a une vraie potentialité humaine, culturelle, de diversité, gastronomique, historique, de paysage. Donc, nous devons progresser, mais nous devons progresser tous ensemble. Et nous devons avoir une visibilité au niveau national. Nous devons intégrer la stratégie française du développement touristique. La ministre des Outre-mer, Erika Barret, je répondais à Julie Straboni. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, elle ne voit pas des personnages fictifs, Cécile. Hein. Boris, c'est le technicien. Oui, c'est pas Boris, mon ami, qui mange des frites crues. Merci Cécile, bonne journée. Bonne journée. Et presque 7h42 sur la Première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, les nuages jouent les troubles faits dans l'Est, oui. Enfin, mais pourquoi ? Et malheureusement, c'est encore le cas. C'est encore le cas aujourd'hui dans l'Est. Bon, ça va se découvrir normalement, hein, progressivement, cette couverture nuageuse. On avait des averses ce matin par endroit. Il peut encore pleuvoir, hein, si elle a entre Sainte-Marie et Saint-Philippe, en passant par Sainte-Rose. Partout ailleurs, c'est le soleil qui tente de s'imposer et qui s'impose bien, même dans l'Ouest et le Sud-Ouest, entre la Possession et la région de Saint-Pierre, aussi bien sur les hauts que sur le littoral. Ça va se couvrir un peu sur les hauts cet après-midi, notamment entre Saint-Denis et Saint-Paul. Ça va déborder un peu sur le littoral et ailleurs. Nuages et éclaircies partageront le ciel avec du vent qui va souffler. 50 km/h sur le nord et le sud, et les températures qui remontent progressivement au fil des jours. Oui, c'est l'intersaison, c'est la fin de l'hiver normalement, donc on devrait avoir un peu plus de douceur, voire de chaleur. 27 degrés attendus sur Saint-Gilles aujourd'hui et 15 au volcan. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et vous êtes du côté de Bourbier-les-Hauts et on en sait un petit peu plus sur cet accident du côté de Futura. Oui, il y a plus. Le poids lourd, s'il était arrêté, en fait, n'était pas impliqué. Le motard a chuté tout seul, semble-t-il, mais au niveau de ce rond-point, donc Porte des Étoiles, Vladimir Siromatnikov, le rond-point Futura. Bref, il a tous ces noms-là, mais donc c'est le même sur le boulevard sud, sur la partie haute de la butte après la Trinité. Et la voie intérieure de cet anneau donc est neutralisée, donc avec la présence des secours sur place. Surtout donc embouteillage bien sûr en remontant depuis Champfleury en direction de l'est et dans l'autre sens. Alors il y a un peu un effet de curiosité, mais bon, ce sont plus les embouteillages traditionnels. Comme je vous le disais déjà tout à l'heure, la circulation toujours ralentie donc dans l'ouest à hauteur de Plateau Caillou, grand fond boucan également solide par l'ouest. Dans le sud, il y a un peu de monde quand même dans la descente du tampon au niveau des bretelles de Saint-Pierre. Attention en abordant cette grande agglomération en provenance du tampon, en provenance également de Saint-Louis. Pour Saint-Denis, donc on a des bouchons maintenant à hauteur de la Grande Chaloupe. Là, il y a un peu plus de monde sur la corniche. Le pont Vincent toujours encombré. La tranchée côté mer également, mais côté montagne, c'était encore relativement dégagé. Toute entrée est reste difficile. Et pour confirmer votre météo, mon cher Mickaël, je vous ai posté donc en direct donc ici depuis Bourbier la météo avec de la pluie sur la route de Takamaka d'ailleurs en ce moment. Pas étonnant. Donc je rappelle, il y a donc un éboulement sur la fin de cette route, donc ça concerne pas grand monde. Merci Yves. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Ah ouais, c'est dur de se réveiller ce matin, c'est dur pour Pixel. Oui. On a essayé, mes amis, hein, on est à 100 appels. On a fait que ça. Hein, 100 appels. Ah oui, depuis 7 heures, on n'arrête pas, mais ça ne fonctionne pas. Pixel, ce qui est sûr, c'est que son album sort demain. Ouais, ça, là-dessus, vous pouvez être rassuré, c'est vrai. Ça, on peut vous le dire. 23 septembre, donc c'est la date de la sortie de Nouveau Départ, premier album solo de Pixel. Alors, on ne sait pas quel titre on va trouver pour l'instant, c'est secret. Non. On devait le demander à Pixel ce matin, on n'aura pas la réponse. Et on n'aura certainement pas la réponse avant demain. Mon étoile y sera, c'est sûr, avec Anouk. Avec Anouchka. La gagnante de Kick Créole saison 1, le talent donc repéré par Réunion Première. Mm-hmm. Musique, il sera aussi. Mon étoile sera bientôt clippée et vous pourrez le découvrir sur Réunion Première en télévision. L'album est disponible dans toutes les FNAC de France et à l'île de la Réunion dès demain. Voilà, alors, ça c'est vous fait. Dire qu'on souhaite à cet album d'avoir une jolie renommée nationale, voire internationale, devant le monde. Et puisque on aime bien Pixel, vous irez le voir au Florilège. Non, c'est pas possible. Ah bah ça c'est énorme. Bonjour Pixel. Salut Pixel. Salut. Oh là. Bonjour. Oh là, c'est dur. C'est dur. Pixel, t'es sur Réunion Première. Je sais que c'est dur, t'as réveillé le matin. T'as un album qui sort demain, qui s'appelle Nouveau Départ. C'est ton premier album. Enfin. Ouais. Enfin. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a pris autant de temps à sortir cet album, hein? Il faut qu'il se réveille. Il s'est réveillé, Pixel? C'est bon. Parce que du coup, je me réveille rarement à cette heure-là. C'est vrai. Si je me réveillais tous les jours à cette heure-là, il aurait été tout fait plus rapidement. Voilà. Mais c'est une prouesse. C'est une prouesse. On peut l'applaudir, Pixel. Parce qu'il faut le temps pour faire un album. Bah ouais. Bah oui. Et que voilà, ça fait un an et demi qu'on travaille dessus. Et voilà, maintenant c'est fini. Maintenant, ça y est, c'est bon, il sort demain. Ouais. Voilà. Ouais. Et on aura donc ce titre Mon Étoile avec Anouchka, mais qu'est-ce qu'on aura d'autre sur l'album? Tu peux nous le dire ou pas? Ou c'est trop tôt? Sincèrement, j'aimerais bien inviter les gens à le prendre pour vraiment découvrir ce qu'il y a dessus. Okay. Parce que c'est polyvalent, il y a de tout, il y a vraiment rien de statique, quoi. Ça bouge, ça fait que bouger. Et est-ce qu'on va retrouver tes anciens titres, Aller à où? Elle attend. Non. Non, pas sur cet album. Ah, donc il y a vraiment de la surprise. Il y a de la surprise à venir. Même nous, en radio, on n'a pas l'album, vous dire. Hein. Donc c'est vraiment secret jusqu'au bout, jusqu'à demain. Il y a Mon Étoile aussi avec Anouchka. Ça sera bientôt clippé. En clip. Exactement, ouais. Et là aussi, vous nous réservez une surprise? Ah, ben là, je dois encore moins dire quelque chose. Ah oui, ok, donc là c'est vraiment top secret. C'est le secret défense. Top secret. Alors, bon. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu un mot sur la collaboration avec Anouchka sur ce titre Mon Étoile qu'on entend sur Réunion Première? Comment ça s'est passé de travailler avec cette petite qui est bourrée de talent, Pixel? Ben, c'était super facile en fait à travailler. Je pensais que ça allait être difficile, mais. Super facile, une fille super simple, super sympa. Très efficace et franchement c'était incroyablement simple de travailler avec elle en fait. D'accord, donc ça a été vraiment une belle rencontre pour tous les deux et une belle collaboration donc qui se traduit du coup par une très jolie chanson. Alors on a entendu Mon Étoile, on écoutera ma musique dans un instant. Pixel, très clairement tu t'attaques au marché français là, tu veux conquérir un peu la France et d'autres pays, non, avec cet album? Je veux pas conquérir, je veux qu'on m'écoute. Ouais, ok, ouais. D'écouter déjà, ce sera déjà pas mal. Voilà, moi, ce sera déjà un bon pas. Mmh. Ouais, on l'a perdu ou pas? Il est toujours là? Il bouge. Ouais, il bouge un peu. Pixel. 1-2, Pixel, on l'a perdu. Bon. On l'a perdu, mais enfin, c'est quand même énorme, on l'a réveillé. On a réveillé Pixel ce matin. En tout cas, bravo pour ce premier album, Pixel, si tu nous entends encore. Ouais. Mais il est encore là. Oui, ça y est, Pixel, on t'avait perdu. Et on t'a retrouvé. C'est voilà. Bon. Il fait frais là-haut, au tampon, là, ce matin? Là, je sais pas, franchement, je t'avoue que je sais pas. Il sait pas trop. Il est dans le brouillard. Bon, on va pas te déranger plus longtemps. Non, d'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu au téléphone pour nous. Ok. Et demain, ton album Nouveau Départ, il est dans toutes les FNAC de France. Ouais. Et dans les Agora aussi de l'île de la Réunion. Exactement. Et puis tu seras en concert au Florilège avec les Chacals Band, tu les connais bien. Forcément, ils te suivent. Oui, c'est ça. Et ça sera le 10 octobre au Florilège sur la grande scène. Bon, on te souhaite plein de bonnes choses, Pixel, pour la suite. Bye bye. Bon courage. Voilà. Salut. Merci, Pixel. Salut, Pixel. On écoutera musique juste après. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Happy

Ah oui, mal, la sympa. Méga omelette avec. Mais c'est pas que Pouli tout seul, c'est son bon c'est garçon ça. Aussi. Avec. Et puis il y avait Valérie qui voilà. a posté pour un régiment. Ah oui, au moins. Pour un régiment. Salut Valérie. Coucou. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous avez vu mon petit déjeuner de régiment? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grosse boîte avec plein de pain chocolat dedans, plein de croissants dedans. N'a pas pour rien qu'un moon là. Hein. Et en plus, croissant au caramel beurre salé. Ah oui, quand même. Ah, on déconne pas là chez Valérie. Hein. Elle fait quelque chose ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est au boulot, tout simplement. Plein de travail, elle est à EDF. Ouais. Ça va marcher le courant aujourd'hui, le courant, on va l'avoir, hein, c'est sûr. Hein. Ah oui. Bon, Valérie, pour vous, deux places de cinéma pour aller voir les deux Guillaume au cinéma. Voilà. Okay, très bien. Félicitations, des invitations valables dans toutes les salles du réseau Mort et Film, Multiplex Ciné Corbeil, Saint-Paul, la Case Saint-Denis, Plaza Saint-Louis. Bravo okay, à vous. Beaucoup. Il s'agit de Guillaume Gallienne et Guillaume Canet dans Cézanne et moi. Et puis Valérie, vous vous qualifiez comme tous les autres pour le tirage au sort demain. Exactement. Donc vous pouvez continuer de poster vos photos là. Il n'y a pas de souci. Demain, grand tirage au sort. Bisous Valérie. Bonne journée, merci. Bonne journée à vous. Salut Valérie. Bye bye. Au revoir. On zappe. Et ce matin, on parle bread. Oh mon Dieu. Non, tu sais quoi? On peut résumer ça en une seule petite phrase. Oui, dis-moi. C'est de plus en plus dur. Ah oui. Et pourtant, on est... Vraiment. On est qu'en septembre. Au fur et à mesure que la semaine avance, c'est très... On appelle le bread madame ou bread demoiselle. C'est un bread, on va dire, gorgé de vitamines aphrodisiaques. Que je dois goûter, t'as l'air, comment il est, les gaillards. Ah non, mais attends pas t'as l'air, moi. Hein. Ça a l'air très très bon. C'est qui le chef, là-bas? Ben... La paix. La paix. Ma maman est cafrine, mon père est indien. J'ai pas honte d'être français. Dis-le quand Nicolas Sarkozy ferme sa gueule. Ben... Comment ça marche? C'est aussi, en fait, le... Oh là là! Les aires de covoiturage sont une... comment dire? Oh là là là là! Tous les après-midi, le matin, il y a les décédotages florales. Comment? Les décédotages florales. Oh là là! Comment? Réunion première, bonjour. Oui, bonjour madame, je voudrais savoir si vous avez des animateurs avec des brouilleurs intégrés, s'il vous plaît. Alors, animateur avec un brouilleur intégré. Attends, quitte pas mon gros. Alors, vous nous faites découvrir cela en radio, faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre boutique? Qu'est-ce qu'on trouve dans ma boutique? On trouve plein de choses. On va trouver... Oh là là là là. Ok. Ouais. Ouais. Bon, du coup, on trouve quoi dans sa boutique? On ne sait pas, c'est débrouillé. Bon. C'est à faute à qui? Je vous le demande. Le zapping, retour tout à l'heure, après, à 13h20. Salut Jackie. Hello, bonjour, bonjour à toutes. Bah oui, dans la boutique, là, va être à les gaillards. Ça fait Jean-Claude un petit clin d'œil à lui, hein, même s'il brouille le passage. Les mettre en lien, bonnes artisans, c'est là-haut, en ce moment, cette semaine, là-haut. La Colzac, l'émission qui parle de terroirs, de traditions, de cultures aujourd'hui. Oui. La cuisine au feu de bois, mesdames, messieurs. Ah bah oui, bah là, on peut pas faire mieux. La cuisine au feu de bois. Ça change tout, ça, hein. Ah ouais, c'est vrai. Veux, hein. C'est vrai. Nena de Moni cuisine rien qu'avec, fait de bois, cette case. Ça n'a la sens. Aujourd'hui, nous causons de ça avec Timark, un spécialiste de la cuisine au feu de bois. Est-ce que j'ai fait carré feu de bois, cette case? Est-ce que c'est une tradition qui pède? Aujourd'hui, 02 62 99 2000 de la colle. Et après, le petit l'odeur, tu le gardes toute la journée aussi, hein. Sur le t-shirt ou le. Grave, ça. C'est pas grave. Même en attendant, là, quand t'as bien mangé, là. Pas grave. Même si ton linge sent un peu la fumée, moi, je te dis. C'est mieux que si Chanel, on peut plus puer maintenant. Non, mais. Où on va? À demain, salut Jackie. Salut la radio, à demain. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Yves, vous êtes à Beaulieu et l'accident, ça y est, il est terminé du côté du rond-point de Futura. Ouais, Mickaël est trop délicat. Oui, c'est vrai que l'accident est terminé, donc c'est pas vrai. Trop grave, heureusement. Donc la circulation rétablie sur les deux voies de l'anneau en direction de Saint-Marie. Il y a toujours des ralentissements d'ailleurs qui maintenant débordent du côté de la tranchée couverte côté montagne, donc c'était encore libre tout à l'heure. Ça ne l'est plus, vous êtes un peu plus en difficulté. Vinsane, ça commence à aller un peu mieux. L'entrée ouest, virage du gouffre pour les ralentissements sur la route du littoral. Et puis c'est arrivé sous la tranchée couverte de Saint-Paul, c'est déjà en train de descendre là-bas, donc côté Saint-Paul, avant d'en descendre vers